Ce podcast est une présentation de Dark Souls. Le nombre de fois que vous allez crever, ce n'est pas de notre faute. Dark Souls. Vous allez crever beaucoup. Ah, c'est le 2. Il est sorti? Ouais. Dark Souls 2 est déjà sorti. Ouais. Eh oui. Il y a du monde qui adore crever pour rien. Non, c'est une joke. Hey. Faut que j'aille le chercher d'abord. J'ai Demon's Souls sur PlayStation 3 et je suis même pas capable de faire le premier tableau tellement que c'est dur. J'ai réussi Dark Souls vraiment à faire le tour, mais mon dieu, j'ai pleuré, j'ai ragé là, à des bouts là. Sérieux? Ah, c'est dur. Une erreur. Tu peux te faire tuer par la première bébête du niveau. Tu sais, c'est ça qui est comme la logique est un petit peu discutable. C'est pour ça d'être comme quand même le chevalier badass qui était venu de battre des démons, mais la moindre scat va te tuer. Ok, sure. Ben, c'est pour pas te faire erreur. Et ce que j'aime beaucoup aussi en même temps, c'est le fait que, ben, on te dit pas où aller. Fait que, ok, comme ok, descends à cette place-là. Ah, oh, t'as des monstres de faible niveau, dans une, à peu près sur un 2 pieds sur 2 pieds. Ok, j'avance l'autre pas, mais le monstre est d'à peu près niveau 35. Ah, ok, c'était pas le bon chemin finalement, tu sais. Ouais, ça, c'est à cause des joueurs, en fait, parce que dans Dark Souls, tu peux laisser des messages, puis. Ouais. Tu peux troller le monde. Ouais, c'est correct, tu peux aller là-bas, le trésor, il vaut vraiment la peine, finalement, c'est une trappe. Je sais que sur Demon's Souls, le monde était quand même assez correct, comme, ah, ben, les niveaux allaient pas là-bas. Dans Dark Souls, le monde, non, c'était leur but. Alors, les accros, on vous rappelle qu'on attend après Arcade Retro, qui prend son temps joyeusement. On lui donne sa chance. Mm-hmm. Et à part de ça, comment vous allez? Ah. Super, ben. Pas trop près. La chandeur, hein? Oh, je trouve ça pas si pire, J'arrête pas de jouer à War ce temps-là. Oh my god. C'est pas vrai que t'es déçu que l'expansion arrive comme tard, la prochaine fois arrive tard. Ce que j'ai la misère à comprendre, c'est la longueur entre le dernier contenu qu'ils nous donnent dans Mists of Pandaria et l'expansion. Il y a un gros laps de temps, c'est comme 8 mois là. C'est énorme. T'sais, j'espère qu'ils vont nous sortir un event entre les deux, t'sais. T'sais, comme dans le temps de Wrath of the Lich King. Moi, j'aimais ça, l'event qu'il avait fait dans Ant Burning Crusade et Wrath of the Lich King, où est-ce que tu pouvais contaminer du monde et les transformer en zombies. Ça, c'était cool. Moi, je m'étais fixé là, comme... T'as-tu un bonhomme qui raid au moins avec ça? Hein? J'ai mon bonhomme, il est prêt à faire les premiers raids. Il reste juste à trouver un groupe. OK. Puis, je m'en vais acheter l'expansion. Fait que je vais avoir un deuxième personnage right now. Hein? Quoi? T'avais pas l'expansion? Non, mais si t'achètes l'expansion là, de Warlord, il donne le 90 tout de suite. Ton bonhomme 90 tout de suite. Ah oui. Ok, c'est ça que tu veux dire. Hein. C'est ça. Fait que je vais avoir deux personnages tout de suite là. J'ai ma chamane. Ouais, mais tout le monde va l'avoir là quand il achète Warlord. Oui. Mais je vais l'avoir là. Ok. C'est ça qui est cool. Il va l'avoir là. Ah, c'est là. Ok, ouais, c'est ça que tu veux dire. Ah, je comprends. C'est ça. Ok. C'est ton bonhomme de précommande. C'est ton bonhomme niveau 90 qui te donne tout de suite. Il te le donne tout de suite. Ah oui. Ah, ben oui, j'avoue que ça, c'est pas pire ça. Ça vaut la peine. Salut Guillaume, salut Dave, salut Super Dark Zane, Max Duclos, man, salut. Ouais, j'avoue, faudrait que j'aille Dave sur la Forest. Zero Lag, on est directement live sur Twitch, mais on remercie Zero Lag Gaming et Ben Le Ness qui nous diffuse live en ce moment sur Twitch pendant que vous vous faites tuer à Dark Souls 2. On pense à vous. Nous pensons à vous. Et justement, ils viennent de crever en même temps que tu disais ça. Juste pour bien arriver. Un jour, les accros vont fonder la fondation Dark Souls 2 pour toutes les personnes qui ont mouru pendant qu'ils écoutaient le podcast des accros. My God. Donnez généreusement. You're gonna die a lot. Écoute, non, ben, comme je disais tantôt, j'ai juste Demon's Souls, tu sais, le premier, puis je suis tellement pas capable de faire le premier tableau que je me demande comment vous faites pour jouer à Dark Souls, sérieusement, je suis pas capable. Ah, la patience, la patience. Ouais, ça se peut. J'ai été capable de me rendre jusqu'au niveau 150 à Dark Souls. Et... Okay. This man has no life. Non, je faisais du player killing, fait que ça allait bien. Ah, oh, vilain. Ben, il y avait une zone exprès pour ça. Pour ceux qui connaissent vraiment Dark Souls, il y avait une zone exprès pour ça. T'avais un serment qu'on pouvait faire avec un chat. Je ne sais pas pourquoi. Que quand que ces personnes, on arrivait en humain dans cette zone-là, le chat summonait un autre player qui avait fait ce serment-là pour venir défendre. Fait que c'était comme un gros arène PVP qui se faisait là. Alors moi, je me faisais summoner par un autre player pour venir l'aider. Fait qu'on se mettait à deux sur quelqu'un. Puis moi, si je mourais, je perdais rien, mais je gagnais la moitié de l'XP à chaque fois qu'on en tuait un. Fait qu'on pouvait passer une demi-heure à tuer du monde noir. Ouais. Ben. C'est rendu dans ma zone préférée. Et comme je disais, cet homme n'a pas de vie. C'est peut-être la vie qui ne veut pas de cet homme. Ouais, Joe, tu peux-tu nous présenter ton beau chandail? Il y a du monde qui sont intéressés à le voir. Hi, Fluffy. Ça vient de Gabriel Iglesias, un humoriste américain que j'aime bien, gros. Un petit logo d'Apple bien mangé. Parce qu'une pomme, c'est nutritive. Ouais. Ouais. Ça sera pas très long, on attend après Arcade. Et quelqu'un nous écrit, il nous demande s'il est en train de se maquiller. Je pense que oui, hein. Probablement. On va lui faire un beau Calf's Line, tu vas voir. Cette fois-là, il va être déguisé tout seul s'il se déguise. Moi non plus. Je pense que je vais garder mon prochain déguisement juste pour le Comic Con de Montréal. Et quel sera le déguisement? Vous devez venir au Comic Con pour le savoir. Ben, faut que je convainque Antithèse de porter un costume de Sailor Moon, là, mais pas ça. Bonne chance. Il y a des costumes de Sailor Moon à ma taille? Oui. Ça s'arrange, ça? Oui, ça, c'est... Ouais, ça existe. Oui, c'est fait sur mesure. Moi, je te parle pas fait sur mesure. Je suis sûr que ça doit se faire. eBay. eBay.ca. Où tu peux tout trouver, même un sprint. Même sperme. Et même Arcade Rétro! Oui! J'ai dû clasher ça sur l'autoroute pour arriver à l'heure. J'ai tué deux enfants qui traversaient, mais j'ai dit, c'est pas grave, tu revois le podcast! De toute façon, les deux enfants. On est-tu live, là? Oui, live. Ah, tabarnak. Oui, il y a des gens qui se demandaient si t'étais en train de te maquiller, justement, pour le show. Ah, j'ai juste cliqué sur le lien, mais. Ok. On t'attendait. Les accros avaient hâte de te voir. Ben oui. Hey, tu me manquais, mon beau Arcade. Je t'ai-tu manqué? Hey, j'ai pas encore fini le montage. Si je viens de finir d'avoir la partie qui me manquait, fait que demain soir, je vais juste faire ça. Fait que t'es occupé, man. Ouais. C'est bon. Il est en train de faire la joie du montage. Ouais. La joie du montage. Bon, on part de ça. On peut partir ça. En pas long, en tout cas. C'est le temps de faire pipi. Ouais, on peut partir. Non, t'as pas le droit de faire pipi. Toi, attends, ici. Ok, d'abord. Bon, faut que je me rappelle que je suis un peu arcade. Va faire ton pépé, là. Oh, ouais. Non, non, allez-y, là, j'irai après la présentation qu'on va scraper de toute façon notre offre. T'es optimiste, t'es dommé, ou... cette fois-là, je vais me rappeler que je trappe par arcade, là. Je vais m'en rappeler. Ok, comment. J'ai mieux de t'en rappeler. Ah ouais, parce que c'est lui qui se trompe, il se passe pas. C'est lui qui se trompe, il est obligé de jouer à Final Fantasy puis le finir en Japogne. Oh, putain! Donc, est-ce que Sylvain t'a fait vivre l'enfer? C'est ça que je t'en ai compris. Depuis que tu as commencé votre podcast ensemble, il t'a fait juste parler de choses japonaises tout le long, là. Pourquoi tu penses qu'il est pas là? Hein? Il est assassiné, même. Non. Il l'a enterré dans une forêt quelque part là. Salut Jack. Bon, on y va. Comme vous voulez. Let's go. Podcast des Aclones, somme édition du 11 mars 2014. On passe ça dans 5 secondes. Salut Zachro, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Tester Alpha. Arcade Retro. Shadow QC. Joe. Pour le podcast de Zachro, nous sommes l'édition du 11 mars 2014. Et Joe qui... Comment je m'appelle? Une hésitation pendant un instant. Je m'appelle comment? Oh oui, Joe, c'est ça. Ça commence bien un podcast. Ça commence très bien un podcast. Comment ça va, gang? Number one. Yeah. On s'ajuste, on s'ajuste. Alors, on dit un petit bonjour à la gang qui nous écoute présentement sur YouTube, sur youtube.com/accro des jeux, et on remercie également les amis de chez Zero Lag Gaming sur Twitch qui nous stream en direct pendant une game de Dark Souls 2. Alors, bonne séance d'embrochage. Bonne chance. Dans les deux côtés du sens, vous allez vous faire embrocher aussi. Là. Mais ça, c'est la dure réalité de vous faire tuer. Mais, y a-tu quelqu'un qui pourrait aller visiter pendant ce temps-là le canal Twitch, voir s'il y a du monde qui nous jase en plus là-dessus? Ça, ben, je suis là-dessus, moi, présentement. OK, bon, c'est bon. Fait que tiens-nous au courant de ce que le monde va nous dire. Et sinon, au courant du show, on va probablement vous dire un beau bonjour pendant la discussion. Qu'est-ce que vous avez joué ces temps-ci? Écoute. Moi, j'ai terminé Super Robot Tensei OJ Saga Endless Frontier. Puis, j'ai commencé à jouer une game de Super Mario 3D Land au 3DS. Ainsi, un petit retour à Project Cross Zone. Oh, il commence à descendre en enfer encore une fois. C'est le fun! Non, mais c'est le fun! C'est facile, mais c'est le fun! Je sais. Shadow, ton côté? Ah, il y a eu beaucoup de choses. Il y a le nouveau South Park que j'ai commencé à jouer. J'ai vraiment trippé. Je l'attendais pas tant que ça. J'étais pas un grand fan de South Park. Mais à commencer à jouer à ça, ça donne le goût encore plus de l'écouter. Encore du Arma 3 peu de temps en temps. J'ai commencé à essayer un nouveau jeu pour ma critique que je nommerai pas parce qu'elle va sortir dans pas long. Et c'est à peu près ça. Une surprise. Joe, ton côté? Moi, de mon côté, j'ai recommencé à jouer à State of Decay. J'avais remis ma critique sur votre site web il n'y a pas trop longtemps. J'ai commencé à jouer au DLC Breakdown. Je vais faire une critique du DLC dans pas très long. Je pense que j'ai dû passer au moins une bonne vingtaine d'heures sur le jeu depuis que j'ai recommencé. Sinon, Board Games... rien de vraiment spécial. J'ai gardé ça un petit peu relax en fin de semaine. Alpha, avec ta job de mopper, est-ce que tu as le temps de faire d'autres choses que... Ben, écoute, cette semaine, en deux coups de mop, j'ai testé les jeux qui vont être dans mon prochain épisode. Et puis, c'était vraiment très plate. Je me suis pas amusé pour Saint-Z. faut le faire, hein? Puis, sinon, écoute, comme d'habitude, là, Hearthstone, puis c'est ça. Toi, Kat, t'avais dit que t'avais pas eu le temps cette semaine. Non, un petit peu comme testeur aussi dit, des fois, ça qui arrive quand tu fais des reviews de jeux souvent pourris, mais faut que tu tapes des jeux pourris dans le peu de temps que t'as dans ta semaine. Tu peux pas t'amuser, ton seul temps, il passe là-dedans. Hein. Oui, c'est ça. Dans l'arcade, c'est différent, c'est relativement moins long et exhaustif. Mais ça, j'ai retrouvé des vieilles boîtes de cochonneries qui traînaient chez mes parents. On salue les parents de Arcade Retro en passant. La cochonnerie, ça va bien. Non, mais pas des cochonneries, mais des vieilles affaires, là, des vieilles revues. Mais là, vous allez penser tout croche. Je veux dire des vieux livres, comme un vieux livre pop-up de Star Wars qui va peut-être dans mes prochaines capsules. Puis j'ai exorcisé des fantômes chez lui. Ah ouais? T'as-tu des balles de sel, là? Ghostbusters, man, c'est éventuellement, ça va apparaître dans une capsule. J'espère que t'as pas eu Harold Ramis parce que lui, il est rendu un fantôme master. Non, c'est ça. Oh, c'est... Oh. Non, mais là, trop c'est tôt. Tout, tout. Non, mais dans un... Avez-vous vu les images de dessins que les fans ont fait où on voyait, maintenant Slimer puis... Ah, oui. Slimer puis Harold Ramis ensemble, main dans la main. Non, c'est... Il y en a des très nice, c'est ça, là. C'est... Il y a eu des beaux hommages sur l'acteur. C'est vraiment, mais vraiment chouette. Moi, qui compaille comme ça, triste, là. Mm-hmm. Ça, là, t'es fucked up, puis lui, il s'en va, puis now you're a real ghost, ou je sais pas trop quoi qui était écrit. C'est vraiment touchant. De mon côté, beaucoup de World of Warcraft. Je suis vraiment revenu à la drogue. Puis, m'accuse-moi. C'est lui qui me disait que c'est mon life. Hein. Ouais, mais World of Warcraft. C'est rare, c'est que je ne parle pas chaque semaine. Ouais, mais moi, je ne suis pas. Je ne sais pas quand est-ce que j'arrête. C'est ça la différence. Et sinon, on a été au Funzo en fin de semaine passée, Antithèse et moi, avec Marie-Lune, et on est allé faire une petite game de Monopoly Street Fighter. Quoi? Et ça, c'est de la Il est pas pire, mais... Mettons Skylanders est un petit peu meilleur. Skylanders, il est plus hot. Oui, j'ai eu plus de fun. On va aller voir un peu nos amis de sur YouTube en ce moment, qu'est-ce qu'ils disent. Et pendant ce temps-là, Shadow, tu pourrais-tu aller faire un petit tour sur Twitch, voir qu'est-ce que, la gang nous lit? Allez me laver les mains. OK. Alors, on dit un beau bonjour à Tijouin, on dit un beau bonjour à Philippe Saint-Jean, on dit un beau bonjour également à Moonwolf, à Ben Lenness, à Des Forests, à Guillaume 3232, Maxime Duclos et Super Dark Zane. Yeah. Bonjour. Comment briser l'atmosphère selon Joe? Bonjour. Bonjour. Ça qu'est-ce que t'as sur Twitch, Shadow? Oh, pour l'instant, j'ai pas encore... il n'y a pas grand-chose qui a été dit encore pour l'instant. Ah, oh, c'est correct. Bon, on suit toujours pareil. On sait juste que présentement, notre ami Zero Lag a beaucoup trop de morts, à son avis. Oh! On l'aide pas à soir, hein? C'est ça que je suis en train de comprendre. Alors, on te souhaite une bonne continuité de mort. Écoute, une chance au moins, c'est pas une seule vie, puis ton bonhomme, il est fini. Une chance. Moi, dans le Cardio Blow 2. Ou bien, tu sais, je sais pas, je pense à World of Warcraft, il me semble que tu meurs une fois. Oh non, genre, ton personnage est au 30, tu recommences à zéro. C'est très chiant. Le nombre de... Oh, la rage qu'il y aurait, le nombre de claviers pétés, puis tout ça qu'on entendrait. Ouais. On va checker les nouvelles. Let's go. Quelle nouvelle qu'on a eue cette semaine avec le retour d'un jeu pourri. Ouais. Je vais rappeler parce que je sens que quelqu'un va jouer. Parle-moi en poste. Oui, je veux qu'on parle des pledges, man. Alors, les d'Américains ont décidé de faire une suite à chaque fou. Eh oui. Alors, le jeu s'appellerait Chaque fou a Legend Reborn. Eh oui. Puis... Il y a deux sortes de légendes, là, les bonnes et les mauvaises. Là, essayez de deviner où est-ce qu'ils vont être. Très mauvaises. Ouais. Ouais. Je pense que la façon je veux qu'ils veulent le sortir, c'est justement une parodie à eux autres même en voulant le sortir. Je suis quasiment sûr que c'est ça. Mais avez-vous écouté la vidéo de... Non. Ben, c'est mal fait. De présentation? quand il parle avec les créateurs français du premier jeu, pis genre, un moment donné, super long, t'sais, t'es des créateurs français, nous on comprend ce qu'il dit, mais t'sais, en anglais, il y a comme pas de titre à rien, pis tu vois, le gars, il dit vraiment, vous êtes malade, si faites pas ce Christy de marde là. T'sais, pis il était vraiment en train de les planter solides, de dire, rentrez pas dans ce projet-là. Pis là, genre, c'est qu'après, le jeu va être cool. Comme, nous, on comprend, t'sais, on comprend la joke, on comprend comme quoi qu'ils viennent de se ridiculiser solide. Est-ce que le jeu va être bon ou mauvais? Ben comment, il peut pas être bon, là. Dis-moi pas ça. C'est encore drôle, man. Je mets au défi de testeur de l'essayer. Il va être juste tellement pourri qu'il va être drôle. En c'est fait, genre, j'ai déjà dans mes plans de l'acheter, en fait. J'ai déjà pledgé pour avoir une copie. T'as pledgé celui à 10 500$ pour être concepteur? Non, non, c'est juste pledgé pour avoir une copie PC, that's it. Puis je ferai une review du jeu quand il va sortir. à 15$. Il y a quelqu'un qui s'est justifié pour toi. C'est bon. Mais voulez-vous avoir les pledges? Oui, bon, vas-y. On va rire avec les pledges, OK? Appelle-moi un cauchemar. Bon. Le premier piège qui est déjà un cauchemar, c'est d'avoir le jeu. Donc, on sait que Joe en a déjà un. À 25$, ben, vous recevez le jeu plus toutes les extensions possibles. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait des expansions. Ils veulent vraiment faire des DLC. Oui. Non. Mais là, ils veulent faire du calme, les pauvres petits pites. T'attendais à quoi? Ouais, oh, là. Il semble que, déjà que le premier jeu, ça a été un flop total. Le deuxième, ils peuvent pas. Le nom était déjà scrap. À 35$ US, vous allez avoir un bonus, un caractère de plus, donc un personnage de plus, avec des armes en plus qui est seulement disponible pour ceux qui ont pledgé sur le jeu. À 45$, ben, si vous voulez avoir tourné le couteau dans la plaie, ben, vous avez accès à bêta. Donc, testeur alpha, on prend une copie pour lui à 45$. C'est l'accès bêta, Ben. Oh, bêta! On va le donner à bêta. Tant qu'à le frapper, bêta, justement, fais-y jouer. Ben oui, c'est ça. Vous allez partir, frappe-moi, Alpha! Frappe-moi, Alpha! Frappe-moi! Je sais que c'est violent, faudrait peut-être pas le tuer non plus. Là. Et ça tourne juste de ce que vient de dire Antithèse pour toute connotation bizarre qui vient de nous sortir. Et de meurtre prémédité. Oui, Game d'hypocrite. Le pareil. À 50$, ben, celui où vous torturez vos oreilles, ben, vous avez la soundtrack qui vient. Ben oui, c'est comme si c'était renommé pour être une soundtrack épique, là. Tu sais, voyons donc. En Snoop Dogg, man, soundtrack. À 55$, ben, si vous voulez montrer comme quoi que vous voulez vraiment le montrer à tout le monde que vous êtes con, ben, vous avez des t-shirts. Des t-shirts. Le monde vous êtes con. Je sais qu'il y en a qui vont le faire juste comme, on va dire, un troll. Ben oui, juste pour trouver ça drôle, là, c'est sûr. Mais oui. C'est quand même cher. Il y a 68 personnes qui le font. Il y a 68 personnes qui veulent avoir un t-shirt. Ben oui. Puis, genre, à 100$, ben, tu sais, Joe, il pourrait mettre ça à côté de ses deux scrolls. Il pourrait se mettre un poster de chaque fou. Hey, why not? Tu me dis qu'à 55$, on a un t-shirt. Ouais. Puis à 100$, on a le poster après. Ouais. C'est moi, il coûte ça le poster, là. 45$, les priorités, c'est important, là. Le t-shirt oui, c'est chaque fou lui-même qui est fait et qui les imprime à la main. J'espère qu'il est laminé, là. En tout cas, c'est laminé, là. À 150$, ben, vous enregistrez votre propre voix dans le jeu. Comme quoi, ils sont tellement pauvres à faire ce jeu-là qu'ils vous engagent pour pouvoir faire votre propre voix dans le jeu. Non, faut que tu payes pour ça. Faut que tu payes pour mettre ta voix dans le jeu. Oui. Tu veux vraiment te ridiculiser à ce point-là? Ouais. À 150$. Mais... T'as déjà trouvé une personne qui ont pris le jeu. Ouais, mais tu dis quand même, dans l'idée... OK, le jeu, on sait que ça va être de la merde. Mais tu sais, dans l'idée, elle est quand même pas si pire. Il laisse une ouverture pour le public. L'idée est là, mais bon. Mais en tout cas, tu dis que le jeu va être de la merde, mais on sait pas encore. Mais il faut voir. Puis de toute façon, d'avoir la voix dans le jeu, c'est pas nouveau. C'est pas le premier jeu qui fait ça dans les Kickstarter. Là. Bon, ça, je sais pas. J'ai vraiment pas checké des Kickstarter. Ah, mais... il y en a beaucoup qui le font. C'est pas nouveau. À 200$, un poster signé de Shaq. Oh! C'est les pires pledges de l'histoire du pledgeage de Kickstarter. Attends, on commence à peine à être drôle. Ouais. Le pire, c'est le 6500. Ça, les pledges, les enfants de même, là, c'est si tu à chaque fois que tu montes, t'as tout ce qui est en bas? Oui. Non. Ouais, non. Pas nécessairement. Non, pas nécessairement. Faut qu'ils disent que c'est... telle affaire et plus telle chose, parce que c'est pas tout le temps rétroactif. C'est ça. Okay. Tu sais, comme là, on a à 250$, vous avez le livre de musique. Le livre de musique? Comment, le livre de musique, les notes? Oui! Do, ré, mi, pis tout ça, là. C'est ça! Eh oui! À la sortie du jeu, là, à peu près, tout le monde va l'avoir fait, le plein de monde va l'avoir mis en... Sur YouTube, sur Internet, pour facile à trouver. La Symphonique de Montréal va le reprendre, là. C'est ça. Chaque fou d'orchestral avec du monde qui vont danser. On va avoir chaque fou en ice. Ben, le grand ballet canadien. Oh, comment on va dire tout le monde. Fuck off, noisette. C'est chaque fou. C'est n'importe quoi. À 300$. Ben, vous allez recevoir une session du créateur de la musique de Shaq Fu qui va vous faire un cours sur Skype. Non, c'est encore... Quoi? C'est ridicule. Sur Skype. À 375$, ben, vous faites votre mocap de votre propre finish. Ok. Votre signature move, c'est vous autres même qui le faisiez en mocap. Tu penses vraiment que je vais me faire un move devant webcam, je vais dire au gars, check ça, c'est le move que je pensais. Capture ça. C'est quoi ça? T'as payé pour! Les autres, tu t'en fous, t'as payé pour. T'as été assez mal pour payer pour. Je vais payer pour faire un move less ma webcam pour des gars de l'autre bord de la webcam sont tous crampés, sont comme. C'est vraiment là. T'es qui le mec qui va faire. J'aimerais qu'il vole et qu'il fasse un spinning kick. Là, tu vas ressembler au genre Star Wars Kid avec un bâton. Et 475, vous recevez un ballon basketball autographié de Shaq. Quoi? C'est un jeu de combat, on veut, on s'en fout du ballon de basket. Un ballon de basketball. Achetez 5$ au Walmart. Que Shaq, ça va être moins cher. Attendez, les prochains, c'est les plus drôles. OK? Okay. À 500$, vous avez 3 choix. OK? Hmm. Le premier, vous collaborez avec Steve et Shaq pour choisir des beats pour le jeu. Collaborer par email, c'est ça, c'est-tu? Non, vous mettez vos beat samples, les idées. Fait que, okay. Ben, tu pourrais faire comme... Non, c'est pas... Le problème, c'est qu'ils ont, comme tu dis, ils ont un chef musical des enfants de même, mais ils vont prendre la musique du monde Noël de même, qu'ils vont prendre le gars qui va franchement faire son beatbox. Tu sais, puis imagine, il y a une toune d'un gars, c'est comme... John versus telle affaire. Fight! Deuxième, vous avez une figurine signée de Shaq. OK. Le troisième, à 500$, Shaquille O'Neal vous suit sur Instagram. Quoi? 500$ pour un follow sur Instagram? Oh boy. C'est pas... Moi, j'aimerais ça savoir c'est qui va aller choisir celle-là en particulier. Un fan de Shaquille O'Neal. Tu sais, je dis pas que le premier, celui que tu vas choisir le beat ou le développement. Tu sais, on sait que déjà, même si le jeu va être mauvais, il va être connu pareil. Le jeu a déjà son effet popularité parce que c'est un jeu de mal. Ouais. On dit tout de suite. Tu sais, fait qu'au moins, le gars va paraître. Non, un follow sur Instagram. 500$. Yeah! Il y en a déjà 3, man, qui ont claimé pour Instagram. Quoi? Il y a 3 personnes qui ont claimé pour Instagram. Ben voyons donc. Puis, sérieusement, là? À 600$. Ça sert à quoi? À 600$, Shaquille O'Neal vous suit sur Twitter. À 600$. 100$ de ben plus pour Twitter. Oui? Attends, time out. Est-ce que c'est moi ou ben Shaquille O'Neal manque d'argent? Oh, absolument pas. Il pourrait tout payer pour lui-même le jeu facilement, là. Ouais, on voit ça. Ouais, non, il manque pas d'argent, mais clairement, il va s'en faire une pause là-dessus, là, tu sais. Sinon, tu peux aussi, pour 600$, tu peux avoir un voicemail fait par Shaq. Il va faire 15 secondes de talking sur ton téléphone. Même pas, yo, là. Yo, Shaq O'Neal, you just called Ben. Big Ben. But it's not there. So, leave a message. Bye. On cotise tout puis on dit à chaque de dire « Listen to the Acros the Joes ». On l'utilise dans le début des podcasts. « Hey, this is Shaq. Listen to Acros the Joes ». Il nous suit sur Twitter. Podcast. Ouais, mais tant peu, c'est encore mieux. Parce que pour 750$, là, il peut faire une vidéo de 20 secondes pour toi sur YouTube. Ah bon, on cotise et on dit « Hey, guys ». On cotise et on met ça dans la vidéo de Tester Alpha. Non. Ça fait un chèque de 30 secondes. Puis, quand il arrive, il dit Tester Alpha. Of CQ. In the ring. Le pire, c'est que tu sais quoi, sur genre la quantité de pledge ou le montant qu'ils veulent, qui est genre faramineux. Je veux pas encourager ça. Je sais que le gars, du moins, je présume fortement, se fait une grosse cote, man. Tu sais, c'est pour pledger 400 000 piastres, puis le gars dit, ah, oh, tu veux un jeu, mais moi, ça, je vais prendre 200 000. Chris, man, je sais pas. Il s'envoie le drop de mic, puis Chris, son cœur. Offusqué. Il laisse le rebeller, puis il disparaît. Et... Ah. Hey, désolé, je préfère mon spaghetti, man. J'ai ouvert le podcast, ma caméra, puis il y a du monde qui dit que j'ai des cheveux qui sont pas habitués, puis spaghetti. En passant, il y a des fois que tu as des cheveux, fait que c'est une belle découverte. Une belle découverte, tu as des cheveux. Oui, apparemment, ben, ça pousse sur la tête à tout le monde. Sur ma tête, un petit peu moins, mais... Comme je dis, pas dégarni, mais c'est bon. Un petit bonjour à Funky Billy qui vient d'arriver sur le chat. Salut Funky. Bonjour Funky. Fait que, non, c'est ça. Si jamais il y a d'autres affaires également, si jamais vous passez du temps avec Shaquille O'Neal, soit en déjeunant, en dînant ou en soupant avec, ben ça coûte plus cher selon le temps de la journée. Ouais. Et c'est... J'aimerais quand même dire qu'il y a une personne qui a pledgé 15 000 piastres. Ouais, pour aller jouer au basketball avec Shaq. Ouais. 15 000? Ouais. Mais il y a une affaire qui est vraiment une vraie arnaque là-dedans, puis c'est le 6 500 piastres, puis il faut que tu payes 6 500 pour être un concept artist. Peut-être. Ça, c'est une vraie arnaque. C'est genre, tu sais, la job qu'on est censé payer quelqu'un pour le faire, ben, paye pour le faire comme ça. Paye 7000 piastres pour faire du 14 heures par jour pour faire dire que c'est de la merde ce que tu fais. Oh! Ben, pas encore! Je sais pas pourquoi il y a personne qui a mis d'argent là-dessus encore. Ils veulent un objectif de 450 000 piastres puis ils sont présentement à 74 000. Il reste 40 jours. Il reste 40 jours. Mais ça, exemple, ils réussissent pas à avoir leurs 400 000 à faire. Ils remboursent ou... Non, pas une des GoGo. Ben... GoGo, il donne quand même. C'est quoi, man? On devrait faire un Kickstarter, nous autres aussi, là, puis dire, « Hey, à 200$, t'as une soirée de prendre un verre avec les accros de ton choix. À 700$, t'as... » Tu peux faire partie du podcast. Genre, on a fait de même, genre, tu sais, on fait des pledges super niaiseux, là, genre, pour 500$, ben, tu fais mon montage, tu sais, on a fait de... À 1000, t'as droit peut-être un t-shirt. Puis tu viens laver notre vaisselle, puis laver notre... C'est puis ça. À 15 000, ben, tu deviens l'assistant de bêta. Testeur Delta. Mais c'est vrai, à 50 000, ben, tu remplaces Testeur Alpha, sa job de mop. Tu deviens la mop. On peut presque avoir des vrais pledges. On peut presque faire un Kickstarter, rehausser nos coffres pour pouvoir s'acheter des grandes soirées avec du caviar, là, comme les banquets qu'on se fait tout le temps. Puis on pourrait vraiment se faire des vrais pledges. Genre à 20$ ou à 5$, t'as une game contre moi à telle affaire. 10$, peut-être ça pourrait marcher, man. Mais pas des pledges à 6000. Alors dites-nous dans le chat si vous voulez qu'on fasse ça. Oui, bonne idée. Dites-nous ça dans le chat. Ça différé, laissez-nous un commentaire. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme pledge sur Kickstarter ou à Kickstarter des accros des jeux? Yeah. Est-ce qu'on peut servir de Kickstarter pour faire des levées de fonds? Ouais. Ben ouais. Okay. Intéressant. Oh oui, inquiète-toi pas. Je vais payer peut-être pour qu'on fasse une barbe de nain à Joe pour une prochaine fois. Avec des bagues. Je veux qu'il y ait des bagues. Genre 300$ pour on rase Joe. Non, c'est l'air, c'est pas ça. 300$, je vais me raser les cheveux. J'ai une photo à la pluie, je vais vous donner ça, vous allez voir, vous voudrez pas ça. Et ce moment de bizarrerie est offert par Joe. Yeah! Mais il y a d'autres nouvelles aussi dans le monde des jeux vidéo, fait qu'on va embarquer là-dessus. Ah ouais? Ben oui! Ben, vous savez que Mario Kart 8 sort le 30 mai prochain. Oui. Non, ben merci de le dire. Oui, allez réserver votre copie, puis vous avez deux versions que vous pouvez acheter du jeu. vous allez avoir la version normale, la boîte plastique normale cheapette, et ou bien vous pouvez décider également d'acheter une version comprenant le jeu de base, ainsi qu'une figurine avec qui représente une carapace bleue. Oh! Pour à peu près 30 pièces de plus. On s'est fait un exemple. 30 pièces de plus, une carapace bleue. Excusez, c'est 70 euros, fait que je pense que c'est ouais, proche de 80. Ça, c'est le collecteur, finalement. Ouais, ça serait le collector edition. Ça serait dépendant de voir c'est quoi la figurine, si c'est un quasiment une grosseur de porte-clés. Avec des pics. Ouais, mais ça dépend de la grosseur. Si c'est une bonne grosseur, ça peut avoir la peine aussi. Peut-être. Ça dépend. Hein. Il y en a qui c'est grosseur porte-clés aussi. Ça se peut, mais je vous le souhaite qu'elle soit grosse à ce prix-là. Ouais, c'est ça. Effectivement. Je trouve que ça fait pitié. World of Warcraft, ils ont ressorti récemment des détails à propos d'expansion. Si vous précommandez l'expansion de Warlord of Draenor, en ce moment même, vous, en précommandant, vous avez un bonus de vous pouvez augmenter un des personnages niveau 90, n'importe lequel. Oui. Donc, c'est ce qui est cool quand même pour le, si vous voulez vous préparer d'avance à la prochaine extension. Et si ça vous tente de faire tout de suite les raids de Mr. Pandaria, c'est idéal parce que le personnage vient avec du gear 475. Ouais, je pense pour faire des raids, voyons. Il parle pour les premiers raids. Les dragons, comment ils appellent ça? Je m'en rappelle plus, mais je sais que dans la vidéo, ils disent que le gear est assez fort pour faire le premier raid sans problème. Le premier raid de Pandaria? Oui. Genre en Raid Finder? Je pense que oui. Oui, mais ça sort. Ben, c'est ça. Donc, si vous le précommandez tout de suite, vous avez ce bonus-là. Et ben, il nous précise également que l'expansion va sortir en automne 2014. Je trouve ça très loin. Ouais, pour un précommande, j'avoue, ça commence à être loin, là. Puis pas juste ça, il y a un gros temps de séparer entre le dernier événement de l'expansion de Mr. Pandaria et la sortie de l'expansion. D'habitude, t'avais à peu près 3-4 mois de différence. C'est pas Cataclysme, le dernier? Non, le dernier, c'est Mr. Pandaria. Okay. Puis d'habitude, t'avais 3-4 mois de différence entre le dernier événement puis l'expansion. Et là... Non, ça, il y avait juste plus, c'est bien plus que ça. Là. Hey, ça a été long, là. Le dernier event qu'on avait avec Cataclysme, c'était genre en décembre. Okay. Puis après ça, c'est sorti en septembre. Fait que non, ça fait ça a été 10 mois entre les deux. Absolument, okay. C'est moi de partir. Moi, je suis pas un grand joueur, mais il me semble que j'avais vu ça, c'était à peu près à chaque année, il y en avait un. Okay. C'est par année. Moi, j'avais vu ça. Là. Ouais, mais c'est pas mal aux 2 ans. C'est 2-3 ans, les expansions. Ouais, c'est plus sur 2 ans. World of Warcraft n'a pas augmenté le prix à cause de l'essence. Non, le taux de change. Pas encore. Le taux de change. Dans pas long, ils vont te charger le taux de l'essence parce que tu prends parce que tu utilises l'électricité. Juste pour vous dire également qu'une édition collecteur physique va également sortir prochainement, qui va venir avec le jeu. Un livre d'illustration, un pack Blu-ray des concepts du jeu, un tapis de souris, un CD de musique, et vous allez avoir également le bonus pour augmenter votre personnage niveau 90. C'est bien mieux ça que le Kickstarter de chaque site, dans le fond. C'est un fait. Au moins, vous avez plus de plaisir et plus de fun. Autre nouvelle, Inafune nous a sorti une nouvelle aujourd'hui à propos d'un jeu qui a backé, ben pas qui a backé, mais qui a travaillé dessus, qui s'appelle un Azuri Striker Gunvolt qui va sortir sur la 3DS cet été. Et c'est un jeu qui ressemble beaucoup à du Mega Man. Et vous jouez le personnage d'un rebelle qui doit affronter des hordes de personnages qui ont des pouvoirs psychiques. Mais ça ressemble beaucoup à du Mega Man. Je vous invite fortement à aller voir la bande-annonce de Azure Striker Gunvolt, qui a l'air très très bon, puis qui va sortir cet été. Oui, on dirait une espèce de semi-Mega Man Zero pour ceux qui se demandent à quoi ça ressemble. Mm-hmm. Ça a pas mal le même fast pace que Mega Man Zero sur la GBA. Oui, effectivement. Ça ressemble énormément à ça. Donnez-moi un petit instant. Jog, il va embarquer. Fait qu'on va aller chercher Jog. C'est qui, lui? Jog? C'est qui, lui, c'est-tu? Jug! Jug! Jug! Jug! Jug! On n'est plus en passant sur Twitch, ce n'est pas plus grave que ça. Alors, on remercie nos amis de... On remercie nos amis de ce Zero Lag Gaming, mais inquiétez-vous pas, on vous êtes quand même présenté dans le podcast de Zach. Wii U, la sortie de Watch Dogs en 2014 est seulement une possibilité. Ah, tu vois, moi j'avais lu comme quoi que c'était officiel, que ça pourrait même être pour bientôt, alors peux-tu éclaircir ma lanterne? La question a été posée à Polygon, Polygon, à Dominique Gay de Ubisoft Montréal, puis il demandait, c'est parce que c'est un studio à l'extérieur de Montréal qui s'occupe de ça, c'est un studio de Bucarest, qui ont comme job d'explorer toute la possibilité du gamepad du jeu pour vraiment diversifier le gameplay sur la Wii U. Et ça a l'air que ça prend beaucoup plus de temps à travailler avec la gamepad de Wii, de la Wii U, donc la raison pourquoi que le jeu va sortir plus tard que les versions console normales. Et ça a l'air que Watch Dogs, il ne tournait pas correctement sur la machine de Nintendo. Donc, il a fallu qu'il travaille fort pour permettre la sortie du jeu sur la Wii U, finalement. La Wii U est un peu moins forte que les autres aussi, fait que ça peut être un peu plus dur aussi. Ben, moi, ce que je trouve le plus bizarre, c'est qu'elle est un petit peu plus forte qu'une PlayStation 3. On parle dans la force, mais je sais pas si c'est la gamepad qui en bouffe. Ça se peut. Je sais pas si c'est la gamepad qui bouffe beaucoup de CPU. Ben. Il semblait que la gamepad était en fait quand même relativement indépendante. Mais tout de même, tu as quand même un processus à l'arrière qui doit travailler pour faire rouler ton jeu sur la gamepad. Là. C'est ça que je pense. Là. Une partie sûrement. Parce que j'avoue que le style de jeu avec la gamepad, ça serait bien meilleur qu'il sorte là-dessus quasiment. Mm-hmm. Si on compte le style de jeu, là. Ben oui, ça a de l'air quasiment de téléphone, là. Et on vient de voir une photo de Joe, pas de cheveux, pas de barbe. Il a de l'air tout nu. S'il vous plaît, ça va être drôle. Donc, si vous voulez voir une photo de Joe, Joe, tu vas nous arranger ça sur le groupe, sur le forum des accros. Je pourrais faire ça, là, si je voudrais, là. Ouais, je pense que tu vas le faire. Et on a... là, tout le monde, on se tait. Et on dit bonjour à Jug. Salut! Bonjour! Alors, on a ici le co-animateur du podcast Juste un Gamer à côté de Arcade Retro. Vous avez-vous trouvé un surnom, un nom à votre podcast? Juste un Gamer puis Arcade Retro. Ouais. T'as une idée? C'est le titre. Juste un Gamer d'Arcade Retro, tu sais. Juste un arcade. En oui, ils ont travaillé fort. Écoute, en plus, Jug, tu vas pouvoir nous parler du jeu de Inafude qui sort cet été. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? T'as pas vu la nouvelle? Non. Azure Striker Gunvolt? Non, ça me dit fucking all. C'est un jeu de Inafune qui sort sur la 3DS. Oui! J'ai juste pas le titre. Mais j'ai hâte. Doubt? Comment tu penses que tu vas avoir du fun? Je sais pas, faudrait que je le joue pour savoir si je vais avoir du fun. Entre ça, puis chaque fou 2. Mais chaque fou 2, hein? Yeah! High five! On a trouvé quelqu'un qui veut jouer à chaque fou 2. Il est-tu malade? C'est lui qui va payer le starter de marbre. C'est lui qui va devenir le testeur. C'est lui qui va être dans le studio de mocap, c'est ça, là? C'est vrai, c'est ça. Je sais pas si tu nous as-tu écouté depuis le début? Non, moi je viens d'arriver d'une réunion. On se demandait si on partait un Kickstarter des accros des jeux. Mettons, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme perks? Moi, comme j'en ai donné un qu'on rase Joe. Non. Poil de Joe. J'avoue, quand du long, on les donne en plus. À 10 000, la personne pourrait devenir le sous-fifre à bêta. Non. Ben, ça peut être aussi simple que laisser le choix de la prochaine capsule. Ouais. Ouais, les bebelles la même. Le pire, c'est qu'on peut faire. Il y a vraiment des affaires intéressantes qu'on peut faire pareil aussi. Mm-hmm. Fait que, non, c'est ça. Puis il y a d'autres nouvelles également. Oh, j'ai une nouvelle des Skylanders. Alors, afin de fêter Pâques, Activision a sorti 5 nouvelles figurines Skylanders, disposant chacune de pouvoirs inédits. Ah. La première est une Swap Force nommée Nitro Freeze Blade et qui va être disponible le 20 mars. Ooh. On a aussi Frino, Trigger Happy, Punk Shock qui vont être en single et qui vont être également disponibles à partir de début avril. Nice. Donc, vous allez savoir où est-ce que Just a Gamer va faire durant ces dates-là. Ça va être dans mes achats nombreux que j'ai fait dernièrement parce que là. Ouais, ça, vous ne verrez pas le résultat avant septembre. Ça a l'air bon, Arcade. Il t'en reste-tu? Je vais être pas loin de chez vous. Mais, hein, Je me suis trompé dans mes portions, man. je m'en viens. Alors, cette chronique culinaire est présentée par Arcade Retro. Oui, il nous présente un bac. Captain Timo. C'est un baril de nouilles. Captain Timo on duty. En plus, c'est 4 sortes de nouilles, c'est 4 sacs qui me restaient. J'ai pas checké s'il y avait des bébites dedans. Des protéines de plus. Arc. En passant, là. J'ai déjà vu ça à une épicerie, je dis au gars, hey, t'as une petite bébite noire dans ton sac de spaghettis. Regarde, ben, gardons ça, c'est vrai. Tu peux aller l'échanger. Ben, je le sais, je vais pas le prendre. Je prends ça, je m'en vais, je regarde le gars, il leur met sa tablette, man. C'est vraiment leur style de faire ça. Moi, j'avais une coccinelle dans ma salade dans un restaurant chinois. Puis le gars, il me regardait comme, ouais, c'est quoi le problème? Moi, j'y aurais fait bouffer, je pense. C'est ça le problème, tu vas le savoir. On a Michael Larouche, notre cher ami de chez Ubisoft, qui dit que la Gamepad Wii U, ça fait juste recevoir de la vidéo audio de la console. Donc, on se posait la question si elle utilisait du CPU. Pas tant que ça. C'est juste du stream? Je pense bien que c'est Ça n'a jamais été caché, est-ce que je cherche? Ah. Non, c'est parce qu'on se demandait, vu que Ubisoft a eu de la difficulté à développer Watch Dogs sur la Wii U, si ça pouvait être un problème avec la Gamepad en tant que tel. Ou c'est justement, comme je le disais, le système peut-être avec le Gamepad, justement, comme que je parlais, qui aurait été peut-être le fun, qui aurait eu de la misère avec ça aussi. Peut-être. Et est-ce que j'ai d'autres nouvelles? Donnez-moi quelques instants. Moi, j'en ai une en attendant. Oui, vas-y! Il y a eu une patch de Hearthstone aujourd'hui. Ah oui? Oh, j'ai pas été voir. Qu'est-ce qui se passe? Si vous gagnez 500 parties avec le même héros, il faut que ce soit des parties ranked, là. Ouais. Ben, vous obtenez un héros doré. Un héros gold. Donnez-moi un instant. Joe, on entend beaucoup de... Ouais, c'est dans l'espace? Non, la caméra a chié, je vois rien. Ok, bye. Je pensais que c'était du cadre. Moi, je pensais que c'était du cadre. Non, c'est Joe qui a eu des problèmes avec son micro. Est-ce que ça donne quelque chose de supplémentaire à avoir un personnage gold ou. C'est juste pour le swag. Et ont-tu balancé les classes en tant que telles? Parce que je sais que. J'ai lu les patch notes, puis ils semblaient pas parler de ça, non. Ok, je sais que le priest, il torche les culs, là. Hein? Je pense. Ben, la classe Priest, je trouve qu'elle torche pas mal, là. Ben non, elle est pas bonne. Non, elle est pas bonne, je l'aime pas tout. Je me fais planter, je fais contre un. Ben, va voir les top decks, là, Priest, t'es comme... Ok. Là, bof. On va regarder ça. Et, tu joues pas mal ce temps-ci, j'imagine, en plus... Ben, pas mal, non, pas vraiment. Là. Je suis poigné à tester mes jeux de marbre. tu nous incites énormément à te suivre là-dessus. Ouais, on va voir le résultat de ta torture. On va voir le résultat. Sinon, de mon côté non plus, j'ai plus de nouvelles. Ça a été une semaine pas pire côté nouvelles de jeux vidéo, mais. Plutôt calme. Quand même relativement calme. Alors, Ok. juste pour vous dire également que si vous avez aimé le jeu 999, ben il va être bientôt disponible sur iOS. C'est comme 9 le chiffre 9 ou c'est comme Hitler qui dit 9? 9! Non, c'est le jeu, c'est un autre jeu, c'est par rapport au chiffre 9. C'est pour 9 portes, 9... C'est 9, c'est 9 heures, 9 portes, 9 vies. Ouais. C'est au quoi ça que c'était? C'était ODS, puis là il va sortir sur iOS. Ok. Hey, John, tu fais quoi là? Ouais, je vous écoute. Quand tu nous regardes, c'est ça. Ok, il joue avec ta DS Legend of Zelda, man. Là, continue de parler là, pendant que je suis en train de me faire buter avec mes Pokémon. Ok, c'est bon. Fais-toi buter, solide. C'est quoi ça? Qui déménage là? C'était moi, je suis dans mes affaires. Bon, désolé. Bon. Il voulait montrer sa DF qui est encore plus belle que celle de. Ouais, la noire. Est-ce vous mélangez la sauce? Ah, non, je le spaghetti ou vous laissez la sauce dessus puis vous pigez dedans? Moi, je pique dedans. Qu'est-ce que c'est? Moi, je la mange à la façon italienne. Je te laisse dedans puis tu prends un petit bout. Tu roules, tu ne coupes pas le spaghetti. Non, hein? Tu finis avec une petite grosse boule là. Ouais, c'est bon. Hein? Ouais, est-ce qu'il faut absolument des boulettes de viande dans ta sauce, Alpha? Non. Non? Ok. Comment ça, non? Ben c'est bon des boulettes de viande, mais c'est pas essentiel. Chef Boyardi lui dit. On est-tu vraiment en train de parler de spaghetti ce soir au podcast d'Accro des Jeux? Nous parlons de spaghetti! Deux petites annonces rapidement, juste pour vous dire que ce jeudi, au bar Le Funzo, il va y avoir la soirée Papa Cassette. Et ça va être la soirée Mario Kart. Et j'y serai avec Marie-Lune. Ah oui, j'aimerais ça, Colin. Alors, si vous rêvez me planter à Mario Kart ou bien vous voir planter à Mario Kart 64. Demain, ça? Jeudi. Jeudi. Alors, soyez présents. Et également, n'oubliez pas de passer voir sur notre site accrodesjeux.com. On a beaucoup de nouveautés côté vidéo, côté article. Et de passer également au forum parce que ça il a beaucoup, beaucoup changé ces derniers temps. Il y a beaucoup de monde qui y participe récemment. C'est très, très le fun. Alors, Jog, ce podcast est une présentation de... Jeux Rétro Revo. C'est tout. Un jingle. Là, tu m'as pas dépourvu, là. J'étais pas prêt. Là. J'ai mon petit texte en face de moi. Là. Je l'ai pas. t'as besoin d'un texte, toi, là. Ben là, j'ai tout préparé ça à ta peu. J'ai refait mon ordi. Je sais pas ce que c'est, là. Bordel. Non, je pense qu'il est dans la boîte à côté de toi. Je pense qu'il est dans ta 3DS en ce moment, là. Mm-hmm. Lis ton texte qui est devant ta 3DS, là. About to send Onyx, will you switch your Pokémon? Ok, hey, on refait-tu Pokémon, Twitch, mais sur YouTube live en ce moment? Ok, j'ai regardé sa game. Release! Release! Turn off console. Run! Une chose pour un Xbox Live, hein? Une chose pour un Xbox One. Ah, nous autres, je me suis fait du fun à ma job avec ça, avec mes testeurs. Xbox One, turn off! Quatre consoles qui ferment en même temps. Là, c'est... là-dessus, je crois que ça a fait le tour. On va aller voir notre monde sur YouTube. Qu'est-ce que ça jase récemment? Ça jase spaghetti. ça jase de spaghetti? Ouais. On perd Michael Larouche. Il s'en va. Bye, non! Mike. Bye-bye, Michael. À la semaine prochaine. C'est l'heure de dire au revoir. C'est l'heure de dire au revoir. Oh, bordel. Au revoir. Au revoir. La nouvelle des Pokémon, pas des Pokémon, des Teletubbies, que la fille est rendue qu'elle a comme 18 ans, puis elle fait, je sais pas, c'est du porn ou quelque chose. What? Je sais pas. Mais déjà, à base, faut que tu sois vraiment bizarre pour avoir fait une émission de même. C'est comme les filles chez... Non, mais c'est un bébé. C'est un bébé. C'était le bébé soleil. Ah, Ils doivent pas être rendus à 18 ans, c'est pas 18 ans que ça existe, oui. Ça, là. Ben, ouais, la théorie, oui, là. Ben, oui. Ça fait un bout. Oui. Ça fait 18 ans. En tout cas, la fille, elle avait 18 ans. Peut-être le bébé avait déjà 2 ans, 3 ans, ou je sais pas. C'est ça. Mais non, c'est un jeune bébé, là. Mais comment tu sais pas ça? Je sais qu'il est rendu majeur. Teletubbies, Google. Where is the sun now? Teletubbies. Ça a quasiment foutu en l'air la carrière de Bernard. Moi, je me demande comment ils doivent annoncer ça. Le bébé soleil de Teletubbies fait du porn. Non, pas du point, c'est juste peut-être... Non, je pense pas que c'est... Return to glory. Maybe it's glory. C'est créé en 1997. Ouais. Parfait, hey, hein? 17 ans. C'est ça. On est-tu vieux? La nouvelle, quoi, ça? Tabarnak. Qu'est-ce que tu faisais en 97, Jug? J'ai commencé mes études en graphisme à Rivière-du-Loup. Eh boy, tu t'en souviens? Je me rappelle pas quand c'est ça. En 97, j'étais genre en troisième année du primaire. Ah, oh, c'est ça, je me fouillais dans le nez à cette année-là. attends, tu dis en 97, je pensais que tu disais là. Ah, aussi. Mais c'est ça, je me cache, je mets ma main en avant, ça. Ah, c'est pour ça que t'as dit, ma canne, elle scrap, puis ouais. Tantôt, c'est comme sa canne. Il y avait un bougon de poignée dedans. 97. Le secondaire. Dégueulasse. Ouais, en effet, assez dégueulasse. Ben non. Fait que, moi, en 97, je commençais le secondaire aussi. Fait que, ouais, ça fait... Non, mais jeune, vous autres. Ouais, hein, c'est mon frère. C'est toi qui es vieux, c'est-tu que ouais, je sais, rappelle-le-moi pas! Mais non, ta sagesse vient en vieillissant. Qu'est-ce que t'as pas, tu t'aises? Ben ouais, t'es vraiment plus sage que moi, encore. Ben, j'étais assez sage pour pas dormir dans la même chambre que Beto plus que 2 heures. Ben, t'as pas été sage parce que t'as tout manqué la meilleure journée du dimanche. Ouais, je sais, ça, c'est ça. Fait que, hein? Si je me souviens, si t'avais été assez sage, je serais revenu après avoir dormi chez ta soeur. Il y en a une couple qui t'en veulent pour ça. Ben, écoute donc, ça m'empêchera pas de dormir. Mais là, il faut pouvoir te reprendre durant le GeekFest Québec, qui aura lieu la semaine qui est 7 juillet. Oh yeah! Et les accros, ils seront. Oh yeah! Pour dormir chez nous. On va croucher ton salon, man. Moi, j'ai hâte de voir Beta dormir dehors. Dehors? À la belle étoile. Mm. Oh mon Dieu. Il va appeler la police. Il y a un ours dans ma cour. Le monde fait. Québec. Non. Tremble mon terre à la bonne ville. c'est pour ça qu'il voyait que les aiguilles bougeaient au centre de sismologie quand elle était à Gatineau. Ah! Yeah. On est encore en train de parler de Beta. Là. C'est, ben oui. C'est devenu comme le sujet numéro 2 dans un podcast d'accro des jeux. Le premier, c'est Evo. Et Cara nous fait dire en passant que c'est elle la plus jeune du groupe. Alors là-dessus, on est correct. Ouais, mais elle n'est pas là. Moi, okay. Elle n'est pas là, elle compte pas. Moi, ouais, ça compte pas. Pareil. Mais elle fait quand même partie de la gang. Ça n'a pas l'air, mais j'ai 43 ans, moi. Non, regarde, ça paraît. Ça n'a pas l'air, mais j'ai 72, là. J'arrive à 73. Ouais, je pense que t'as oublié de laisser une cinquantaine d'années à quelque part, toi, par exemple. Ça n'a pas l'air, mais j'ai 10 ans, là. Ah non, ça a l'air, je te donnais ça, là. Moi, rendu là, je suis rendu à ma deuxième vie, moi. Non, ça, c'est parce que tu joues trop à Call of Duty, c'est pour ça. Toi, lâche-moi avec ça. Bon, on commence-tu le sujet du jour? Ça va être le sujet chaud du jour, de m'étudier. Est-ce que tu restes avec nous, Tester Alpha? Non, moi, je vous quitte. Alors, Tester Alpha, comment on peut te contacter sur Internet? Ben, vous tapez sur Twitter, sur Google, sur YouTube, sur Facebook, Tester Alpha. Vous devriez me trouver. Je suis pas mal partout. Je suis facile à trouver. Venez me parler. Je ne suis pas gênant. Il est super sympathique. Alors, là-dessus, merci beaucoup d'avoir participé au podcast, mon cher Alpha. Ben, il n'y a pas de problème. Et on se revoit à la prochaine. Bonne soirée, ma gang de zouf. Bonne torture à toi, mon cher. Ouais. Moi, je m'en vais rejoindre Arcade, là. Ciao. Est-ce que ça serait drôle, mon gars, de devoir rentrer par la porte dans mon corps? Ouais, ouais, c'est ça! Pendant le podcast! J'arrive, il fait... J'arrive! On fait le spaghetti! Puis il s'en va tout de suite après. Let's go, on veut voir ça. De la magie! Non, malheureusement, ça se passera pas. Mais oui, c'est vrai que ça serait drôle. Mais ça arrive, là, Arcade, il faut que tu réussisses à filmer la shot parce que Alpha, il s'en va de chez vous avec sa Tercel 89. Hein? Quoi? C'est ton nouveau char, c'est une Tercel 89. Ah, t'as décidé ça? Let's go with it! Écoute, tu passes la mop dans une école secondaire, puis en plus, t'as une vieille Tercel 89. Je trouve que c'est pas mal hot comme personnage. Toi, t'as pas des cornes sur le hood, t'as comme une vadrouille coupée, là, avec... Oui, c'est ça, oui. De vadrouille mobile. Une vadrouille multifonction, même. Oui, il laisse des mops devant le char, comme ça, il passe dans polyvalente avec le char, puis il est en train de passer la mop. Le trailer, c'est un géant chariot de concierge, là, qui n'a pas apprécié. Avec un espèce de klaxon, de petit roues, là. Bon, sur cette, sur ce brève trêve de plaisanterie, et je vous dis bonne soirée. Salut! Salut! Bonjour, bonsoir. Alors, nous allons discuter de ce soir du sujet de Metal Gear Solid. On va parler de la série, on va également parler de nos souvenirs, et on va également essayer de voir un peu le futur de ça. Et on va essayer de taper ses nerfs à Jug, parce qu'il a de l'air à se faire... à s'emmerder solide. Hein? Non, j'attends que tu commences le sujet, sacrément. Ah, ok. Metal Gear! T'aimes-tu ça, toi, Jug? Mais moi, le seul Metal Gear que j'ai joué, là, c'était celui-là sur NES. Ah, ouais. Ok, là, pas les Metal Gear, là. Oui, le Metal Gear, le j'imagine que c'est le premier. Oui. Bon, est-ce que tu as réussi à le faire le tour? Non, parce que à l'époque, quand j'ai joué, je l'avais loué au club vidéo, parce que dans le temps, on louait nos jeux au club vidéo. On les achetait pas. Puis j'avais trouvé que c'était un jeu de merde. Puis j'étais allé le reporter la journée même. Puis je pense que je me souviens de m'avoir plaint qu'il mettait des jeux en valeur qui étaient de la merde juste pour que le monde les loue. Eh bien, faut que tu fasses ça avec une voix plus jeune, comme dans le temps. Mais là, je sais pas. Mais... Moi, là, quand j'étais jeune, puis j'habitais à Québec, là. J'allais aussi bien deviner le drôle. Là, un jour, j'ai joué avec un gars sur BIS. Et là, j'ai trouvé tellement que c'était de la merde, là, que j'ai repris mon BIS, puis j'ai pédalé jusqu'au Vidéotron, puis j'ai dit, mais c'était de la merde! One Piece de Télétobie. Mais les télévises, ils parlent pas. One Piece et Télévises, c'est au pyjama. Bonjour! Bonjour! Salut! Et Tadier! Daniel! Et ce moment de saignage d'oreille est présenté par Antithèse. Antithèse, merci de me rappeler que j'avais une audition correcte. Ça fait plaisir. Et toi, Antithèse, Metal Gear Solid, c'est quoi tes premiers souvenirs de cette série-là? Ça valait son étiquette de meilleur jeu de PlayStation 1, de la librairie PlayStation 1. À ce point-là? C'était un jeu que je jouais tout le temps. OK. Je m'en fais toujours des défis à faire. C'est un jeu que... J'ai une relation assez intense avec ce jeu-là, je vous explique. Il y a eu des froids j'ai 15 ans, où c'est que je faisais de l'insomnie. Là, Christy, je savais pas quoi faire pour pouvoir m'aider à m'enlever ou whatever. Fait que je dis, bon, ben, garde, fuck that, man. Je vais mettre Metal Gear Solid au PlayStation 1. Et, écoutez, comme je suis quelqu'un de poli et gentleman, j'ai jamais une blonde dans ce temps-là Ma blonde, elle avait pas d'insomnie. Là, j'ai demandé la permission. Chérie, j'avais d'insomnie. Est-ce que si tu dors, mais moi je dors pas, est-ce que je peux jouer à Metal Gear Solid? Elle me dit, pas de problème. Oh my god. Fait que, il était 1h ce matin, je suis pas capable de m'endormir. Et j'ai joué à Metal Gear Solid. Snake! Eh ben. Pas ça, on s'entend, parce que je me dis, ben, un chicken test, je suis peut-être quand même jouer au combo par cœur, là, tant que je l'ai joué. Puis non plus, je l'ai pas réveillé ma douce jadis dans ce temps-là. Tu sais, quand j'ai dit gentleman, là, c'est jusqu'au bout. Ouais, ouais, ouais. C'est là, le très très bon souvenir de ce qui est dans le fond le jeu, comme je répète, sinon le meilleur jeu de PlayStation 1, à tout le moins le jeu le plus complet de PlayStation 1. Et c'est un jeu qui est quand même sorti en, je pensais ça, 96-97, ici en Amérique. À peu près, ouais. C'était avant, en fait. Je te dirais, ouais, 96-97, ça a de l'allure. C'était un des premiers jeux de la console PlayStation, et qui plus est, c'était un jeu qui, par ailleurs, était très artistique, du moins, comparé à ses autres pubs, mais ça, on y reviendra. OK. Shadow, ton côté? Mes meilleurs souvenirs, ça va être celui-là ici, je sais pas si on le voit bien. Pas Il va falloir que tu le dises, parce qu'il y a du monde également qui nous écoute en audio. Ouais, c'était le Metal Gear Solid, le Twin Snake, qui avait refait sur le GameCube. Et je sais pas si tu vas reconnaître où que je l'avais acheté. Je sais pas si tu vas très bien. Ouais, j'avais encore l'étiquette dessus. J'ai à peu près fait ce jeu-là, je pense, j'ai quasiment scrap au nombre de fois que je l'ai joué. Je vais être rendu au moins une cinquantaine de fois à faire le tour. Ça a été, après Resident Evil, on pourrait dire, ben, équivaut, on pourrait dire, ça a été dans mes séries les meilleures que j'ai jamais eues. Pour tout le côté, j'ai jamais eu la chance de pouvoir jouer aux deux premiers, comme Jug parlait tout à l'heure. J'ai jamais pu, mais à partir de Metal Gear Solid, je les ai tout fait, puis ça a été de ma série. Joe, ton côté? Moi, j'ai comme les autres, j'ai pas eu la chance, malheureusement, de jouer à la version NES dans mon passé, mais je me souviens de mon oncle qui avait amené sa version PS1 chez nous, puis qui nous a montré ça. On était tombés en amour avec le jeu. On a joué des heures, puis des heures, puis des heures avec mon oncle pendant des heures, puis après ça, on a continué. On s'est acheté une cassette, mais on s'est acheté un CD, on a commencé à jouer. Puis ben après ça, je suis tombé sur Metal Gear Solid 3, puis je suis tombé en amour avec le jeu. Le 3, personnellement, de toute la série, c'est mon préféré. Il est beau, il est le fun, puis l'histoire est super bien montée. Là. J'ai pas de mots, genre. Le 3, c'est le meilleur. Arcade, de ton côté, avec ta nouille dans la bouche. C'est pas une expérience. Je pense que j'ai entendu parler de ça dans un livre, genre une vieille revue. J'ai pas eu l'expérience, l'opportunité de jouer à la version Nintendo. Mm-hmm. Je suis convaincu que si j'avais joué à la version Nintendo comme kid, j'aurais pas aimé ça. C'est pas mon genre de jeu kid, c'est trop comme compliqué. Mais j'avais acheté. Hein? Il était extrêmement dur. Oui, puis tu sais, comme un kid, je sais pas, là, c'était pas ça qui. Moi, dans ma tête, c'était Mario, tu sais, c'était pas ça. Ouais, c'est ça. Puis j'avais. Mon cousin, je pense, avait le jeu, si je me trompe pas. Puis moi, j'avais pas. Excuse, il y avait un PlayStation 1, puis pour moi. Fait que j'avais acheté le jeu, mais j'avais pas de console. Fait que j'ai acheté le jeu, je l'ai mis là, puis j'ai attendu de pouvoir emprunter la console. Puis c'était pour moi une révélation, man. C'était. Juste un clash entre, pour la première fois, jeu vidéo, expérience cinématographique, je peux dire ça même. C'est pour la première fois que vous voyez un mélange. Tous les autres jeux avaient des personnages forts, une histoire super intéressante, mais rien, pour moi, était arrivé au point qu'il y avait des shots comme cinéma. On te vendait de la musique scorée au max. C'était un film interactif. Ben, c'est justement sur YouTube, je pense que tu peux avoir toutes les cinématiques, tu peux comprendre l'histoire pareil. Mm-hmm. Je pense qu'on a des fois, pour certains jeux, c'est 5 heures de cinématique en tout. Mm-hmm. Mais ça, c'est le fun, le gameplay est écœurant plus l'histoire, fait que tout match. Hein. C'était le meilleur, la première fois, le meilleur mélange qu'il n'y avait pas. Là. Mm-hmm. Qui se souvient pas d'avant de rencontrer, comment il s'appelle le robot ninja, man? Gray Fisher, non? Non. Donc on parle de Gray Fox, ça. Gray Fox. Gray Fox, ouais. dans la première fois que tu rentres dans le corridor, que tu sais pas, je pense que tu l'as jamais vu avant, ou tu l'as vu une fois comme le prédateur, puis tu passes dans le corridor, puis tu vois juste des cadavres partout. Puis c'est pas toi qui avance, là, au début, c'est juste un cutscene, t'es comme, oh shit, c'est quoi qui s'en vient là? C'était épique, il y a plein de gars morts avec des coups, man, slicés, t'es là, oh man, ça s'en vient là. Puis tu sais, t'es comme, Chris, le gars, il va s'en venir, ça va être un boss, tu sais? Pas tout. Ben, c'est un genre de. C'est quand même un boss, tu sais. Mais tu sais, c'est comme pas ce bout-là. Un semi-boss. Ouais, c'est ça. C'est comme un demi-fight. Puis tu sais, une affaire de Metal Gear qui était hot, c'est qu'il y a plein de choses. Maintenant, les jeux là, sont portés à toute vente. Ok, mais écoute, il y a 8 boss, voilà les boss. Il y a 12 armes, voici les armes. Metal Gear a plein d'affaires qui étaient comme gardées un peu secret. Moi, là, quand j'ai vu à la fin de Metal Gear que t'avais un combat à main nue en haut de Metal Gear contre. Wow. Liquid. Liquid. Mais comme, j'ai jamais su qu'il y a un mode. C'est pas dans le livret, c'est rien, là. Mm-hmm. Fait qu'on vient te jouer avec toi aussi, puis t'amener ailleurs. Fait que là, il pose. Il y a un tutoriel. T'es comme, OK. Fait que tu t'attends. Je sais pas, c'était juste ça. C'est une expérience globale que j'ai jamais retrouvée dans d'autres jeux. Moi, je me rappelle surtout d'avoir joué à Metal Gear Solid 2 avant d'avoir joué aux autres. J'ai eu la chance de jouer sur la NES et j'ai comme pas trippé sur l'expérience que la NES me donnait pour Metal Gear. Mais pour ce qui est de Metal Gear Solid 2, j'avais tombé en amour. Je suis tombé en amour sur ce jeu-là pour la cinématique, comme tu disais. Puis je me rappelle, je pense que c'était à Z. Il y avait une émission dans le temps qui parlait du jeu vidéo. C'était une émission traduite américaine. Puis il faisait la présentation de Metal Gear. Puis je pense qu'il avait donné comme 19 sur 20. J'ai fait wow, faut absolument jouer à ce jeu-là. Puis je suis tombé en amour avec la série Metal Gear. T'avais pas eu de la misère à comprendre à partir du 2? Non, parce que quand même, tu sais, oui, je comprenais par exemple que Snake, il vivait, il s'était passé de quoi, mais t'as pas vraiment besoin de savoir tout ce qui s'est passé dans le premier pour jouer au 2. Parce que de toute façon, tu passes le plus clair de ton temps avec Raiden. Ouais, c'est ça. Là-dessus. Puis, sinon, moi, mon préféré à l'époque, c'est le 3, puis je pense que c'est là encore. Je suis d'accord avec Joe là-dessus. Mais vraiment okay, bon. OK, c'est juste moi que ça a été un des moins bons que j'ai trippé. Moi, ça va rester le Twin Snake. Va-t'en chez vous! C'est pas, j'ai pas aimé la façon qu'il a été faite. J'ai vraiment plus trippé de la façon que le Twin Snake a été faite. Et côté histoire, ça va plus rester le 4 pour toutes les révélations qui te shootent du troisième jusqu'au. Ah, tabarnak. Mais Twin Snake, je l'ai mis aussi dans ma liste dans mon top 12 des meilleurs jeux. Parce que je trouvais que c'était un très beau remake. Mais je sais qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont également bashé. Principalement à cause des bullet time. Les quoi? Bullet time. Où est-ce qu'il utilisait beaucoup de scènes qui ressemblaient à Matrix pour, comme tu voyais, Snake évitait une balle, puis ça ressemblait à, comme dans Matrix, là, il évitait la balle comme dans Matrix. Je sais que le monde a comme capoté, on fait « Ah non, ça, c'est pas Metal Gear! » Mais moi, j'ai aimé ça, je trouvais que c'était correct. Ils ont fait des autres Metal Gear après, fait que... Oui, mais je te dirais que la seule chose que moi... C'est là qu'on se rend compte que la GameCube a un défaut pour ce qui l'amenait, c'est il manque de boutons. Oui, ça j'y donne. Et quand tu voulais, comme par exemple, t'étais proche de tirer. Puis là, ah oh non, faut pas que tu tires. Là, le seul moyen que t'avais pour comme désengager ton gun, t'as dû aller sur B, A, relâcher B, puis tu relâchais A. Ouais, rendu là silencieux, tu t'es ta balle à côté. Tu sais, tandis que PlayStation 2, t'avais juste à relâcher doucement le bouton. Tu sais, t'avais... Parce qu'il était sensible à la pression. C'est ça. C'est là que tu te rendais compte, c'est comme, ouais, c'était un petit peu mal fait pour la GameCube, mais sinon, le reste, la version GameCube est bonne. Mais pour moi, l'histoire que j'ai accrochée, c'est Metal Gear Solid 3. J'ai vraiment capoté sur ce genre de jeu-là. Mais la version NES, je suis d'accord avec toi, Jug. La version NES, je la trouve encore difficile en ces temps-ci. Parce que j'ai l'impression qu'un jeu de furtivité sur NES, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser qu'un, mettons, un jeu normal. Ben, moi, juste ça, l'interface, c'était assez dur. C'est mal fait aussi, ça, faut lui donner ça. Que c'était assez dur par rapport aux items, aller chercher les items, les affaires de même. Là. Ben, c'était pas au point, en tout cas, pas à l'époque. Puis c'est un petit peu normal. Là, mais... Il y avait des styles qui n'avaient pas été encore développés. Là. Le style ouais. Steph, ça a plus commencé avec le PlayStation Nintendo 64. Mm. Avec Winback ou Nintendo 64. Ça vous dit rien, ça? Non. OK. Winback. T'es tout seul dans ton coin, là. C'est genre un jeu qui essaie d'être une copie. C'est pas la peine, mais c'est... C'est une copie de Metal Gear. Mais that's it. Une copie de Metal Gear, mais super mal... Juste... Si t'en as pas entendu, ben c'est pour ça, hein. Check bien sûr, il y a Kickstarter que tu peux payer 75 000 piastres puis être le concepteur. Oui! Et pour vous, les gars... Spaghetti? Non, je mange un biscuit. Ah, tout le monde va manger pendant le podcast, c'est cool. Alors moi, j'ai déjà mangé, gars, fait que... Je vais chercher mon steak frites, moi. On va y donc. Il n'y a pas de steak frites. Il n'y a pas de steak frites à Rayette, hein. Metal Gear, quel personnage vous a le plus marqué? Metal Gear. Dans quel sens? Pour vous, votre personnage préféré, mettons. Celui qui... Genre overall? Ouais, overall. Ocelot. Pourquoi? Ocelot. Oh mon dieu, c'est... C'est justement, c'est drôle que... C'est un personnage qui est tellement complexe, puis qui est tellement... C'est comme c'est l'ultime, c'est l'ultime multiple agent, tu sais, c'est un multiple agent dans le sens que, je parle jusqu'à Metal Gear 4, Metal Gear 4 c'est n'importe quoi, mais avant Metal Gear c'est le 4, Ocelot c'est comme, c'est le vilain que tu es toujours par découvrir des nouvelles affaires sur lui. Qui va même jusqu'à des fois te demander est-ce que c'est vraiment un vilain, est-ce que subtilement il aidait pas Snake quand il fait ce qu'il faisait. C'est ce genre de personne là, c'est ce genre d'impression que au soir il était pas jamais clair c'est quoi ses intentions, et c'est souvent lui qu'on mettait, tu sais, dans la fin des jeux, il appelait quelqu'un, c'est là que tu te rendais compte que il travaillait pas avec un tel, il travaillait avec l'autre tel, ou finalement il travaillait avec tout ce monde là en même temps. Toi, tu te rends compte qu'Ocelot est très instrumental à la série Solid. Mm-hmm. Alors, regarde, ton personnage préféré? Oui, on dirait que les autres de la série, j'ai moins embarqué dedans, les autres jeux de la franchise, mais je vais parler plus du Solid. J'aime tous les méchants parce qu'ils amènent tout un quelque chose au groupe des méchants, mais mon préféré pour l'expérience de combat est nul autre que Psycho Mantis. J'adore l'idée du personnage, sa voix, le masque avec ses fringues. C'est le plus chétif du groupe, le plus maigre, le plus qui a l'air inoffensif. C'est le plus dangereux, surtout dans le combat où est-ce que tu manipules la console. Pour moi, c'était du jamais vu. Fait que là, il lit dans la memory card, il te dit que t'as joué à X-Jeu de Konami. Il va alors, comme ça, t'aimes le spaghetti. Do you like play games? Je peux lire dans tes pensées. You like Castlevania. Fait que... Ça, c'est l'enfant que j'avais aimé, là, qui brise souvent le quatrième mur aussi. Ça, c'est assez écœurant dans les jeux. Moi, mais c'est... Ouais. Ouais, non. Ben, dans le Twin Snake, il y en a d'autres aussi qui le font. Ouais, dont Ocelot. Ben, je te dirais que avec Psycho Mantis sur GameCube, lorsqu'il lit ta memory card... Super Smash Bros. Oh, you like Super Smash Bros. Oh, you like Mario Sunshine. Mais tu sais, ils vendaient leur... justement, son combat était super hot pour ça. Puis la manière qu'il était avec les boss, c'est qu'ils vendaient dans le livre, ils présentaient les personnages, tu sais, ouais. Ils voyaient tout. Puis il y en a un que j'ai toujours trouvé plate de jamais me battre contre lui, c'était Octopus, il me semble, c'était ça. Oh oui! c'est pas un personnage secondaire, il te le présente comme un personnage important, presque principal dans les méchants. Et juste le fait que tu saches tout sur lui, que tu vas dans une cutscene puis que tu te bats contre lui, ça c'est encore plus comme, oh shit, imagine qu'est-ce qu'aurait été le combat de ce gars-là. Mais toi, je suis quand même content de la façon qu'ils l'ont fait dedans, parce que justement, ils le présentent comme un gars de la team. Ah, il est arrivé de quoi que personne s'attendait qu'elle arrive. Même le player non plus, c'est que, hey, on l'a pas vu ce gars-là. Ben finalement, il revient un peu plus tard. Il est arrivé ça, c'était lui, là. C'était... Ben j'ai arrêté de voir. Parce que, un petit peu comme Batman, la nouvelle franchise de Batman, chaque boss, il te donne un terrain de jeu pour pouvoir profiter des skills du boss, puis te donner un combat unique. Exemple, comme avec Freezer dans Batman. Tandis que quand t'arrives dans Metal Gear, ben, Psycho Mantis, c'était la librairie avec plein de scraps qui revolent. T'avais Sniper Wolf avec absolument rien. Un vide. T'avais la chienne de courir, te cacher en arrière d'un autre crate, fallait que tu progresses. Puis t'arrives avec Octopus. Et je me suis toujours demandé quel aurait été le genre de combat. Parce que le gars pouvait se disloquer les membres puis prendre d'autres apparences, je me trompe pas. Oui, à peu près ça, ouais. Ben, il prenait la personne au complet, il prenait même son ADN. C'est ça. Selon Walker Raven, il aspirait son sang littéralement. Il copied his subjects to the blood. Ben, je vais copier par le boss fight. Parce que toutes les boss aussi faibles qui ont été avaient un boss fight mémorable. J'aurais voulu voir cette scène-là. Puis c'est vrai, en plus, Psycho Mantis, il kidnappe la fille Meryl. Oui. Ouais. Il s'en fait battre pour te battre. Ouais. Pour te battre contre toi. Fait que. Make love to me, Snake. Oh, Snake! Moi, c'est ce que je trippais, genre, c'est comme put your controller on the floor. Ouais. Là, c'est okay. Comme juste Snake qui te regarde. Ça vibre. Là, c'est comme ok, tu vas mettre ta manette, genre, mais c'est juste parce que la manette, elle vibre. C'est comme nice. Il avait jamais eu ça avant. Non, c'était la première fois qu'il faisait un enfant de même. Mais il n'y en a jamais vraiment eu après non plus, là. Il y a eu un autre jeu avant. qui est arrivé puis il jouait avec la console, c'était au GameCube, puis il y avait plein d'affaires qui se passaient. Eternal Darkness. Ouais. Fait que ça existait, mais... Moi, c'est encore l'écran où est-ce que elle me faisait croire que ma GameCube venait de crasher. J'étais comme... Non! Ils ont fait tout ça d'enfant de même dans Metal Gear Solid 2, vers la même partie. Ouais, vers la fin, quand tu commences à te battre, quand à peu près... Au katana, contre 15 ennemis, c'est non ça, à un moment donné, t'as l'écran de Mission Fail, comme. Fission Mail, après ça, tu vois dans le coin de ton écran que tu peux. Ton bonhomme bouge encore, t'es comme. Moi, j'étais en train de lancer la manette, hey, qu'est-ce que j'ai fait de pas correct, j'ai tué quelqu'un qu'il fallait pas dans mon arrière. Mais là, je me vois en haut, oh shit, faut se continuer! ça m'avait mis total, ce shot-là. Je me rappelle, il y a aussi le boss dans Metal Gear Solid 3, c'est The End, le sniper. Oh, si tu arrives dans la map, tu fermes le jeu, tu pointes ta console, tu changes la date, t'en reviens, le gars, il vient mourir de vieillesse. Oui, c'est vrai. Puis moi, je l'avais découvert parce que, genre, je me dis, ok, je vais sauvegarder tout de suite. Là, ma blonde de l'époque, elle a dit, faut qu'on s'en aille, genre, c'est Noël. Je m'en vais dans sa famille. Je retourne le lendemain. Je pars ma game. Ok, je suis prêt. Je vais me battre contre le vieux. Ça va être cool. Il est mort. C'est ma face, là. J'ai tellement de la misère contre lui. Tu sais, il me semble que je vois Snake qui arrive. Tu sais, après ça, je me suis battu contre lui. Ben, finalement, je suis parti à dormir. Je suis revenu. Il était mort. Ben, c'est pas fou de la façon dont il y a des bébés qui ont fait vraiment. Comme dans un enfant que j'avais tellement trouvé drôle, ça c'est seulement au GameCube qu'il y avait eu cette affaire-là. Ocelot dans la salle de torture. À un moment donné, pour pouvoir résister, il faut basher un bouton. Oui. C'est ça, mais sur les manettes de GameCube, il y a le mode turbo qu'on peut avoir maintenant. Mm-hmm. Et il t'annonce, il t'explique à peu près comment il faut que tu survives et blablabla. Bla, bla. Puis à un moment donné, il regarde l'écran. Il dit, puis tu mets pas le turbo. Mais le savoir, si tu le fais, je te le désactive direct. Moi, il y a mon turbo, on l'a essayé. Et oui, il désactive ton turbo. On arrive, on le met, on le tient, puis il te laisse l'espoir que ça marche. J'attends 5 secondes avant de faire, puis à un moment donné, ça arrête, puis t'as mort deux fois plus vite. Puis là, ben, le jeu même brise, comme tu disais, le quatrième mur. Il est là, puis il t'explique vraiment, ok, là, toi, monsieur XYZ, le gamer, Tu penses que tu vas me dépasser et t'es plus smart que moi. Non. Pour ça, justement, avec la manette, quand Psycho Mantis, la première fois il dit ça, dis, pourquoi c'est accrocher la manette? Play as flat as you can, ok? Là, shake, t'es comme, ok, là, c'est une toute autre game, là. Ouais. Dès que tu m'amènes ailleurs, la définition encore plus d'un jeu interactif, c'est ça. C'est plus, promène-toi, bash, découvre son pattern, puis fais baisser sa barre de vie. Non. C'est ce gars-là, il y a quelque chose de bien spécial. Il joue avec. Ça t'amène un stress. il joue avec ta tête. Et comme je t'ai dit, ça t'amène un stress. Comme Ocelot aussi, avant justement, je reviens à la salle de sorture, il va te dire, exemple, OK, tu as deux choix, soit tu résistes, soit tu résistes pas, tout ça. Puis fais attention, parce que la dernière fois que tu as pu saver, avec toutes les scènes qu'il y a eu, puis les bébelles, c'est dans l'autre CD avant, ou cassé de même, parce que c'était des fois deux CD, ils ont. Fait que tu as un autre bout à refaire. Fait que fais attention, là, tu peux pas saver présentement, là, si tu meurs. Tu meurs. il te le fait dire en plus, là. C'est comme, ok, tu peux pas te laisser crever, je vais recommencer, mais ben demain, non, non, non, t'es dans la merde, là. Fait que t'es mieux de faire ton choix. Je peux-tu rajouter quelque chose, les boss? Bien sûr, vas-y. Quelque chose que j'apprécie beaucoup, c'est les boss qui reviennent non-stop. Pas des boss poches comme, mettons, Dr. Willy ou le gars dans Sonic qui sont jamais capables. C'est un boss bright, mais le héros est encore plus bright que lui à chaque fois, mais le vilain arrive tout le temps avec quelque chose de différent. Exemple, Liquid, il arrive première fois un Chopper. Moi, je pensais qu'il était mort. Je savais pas vraiment c'était qui Liquid. Un de mes chums, il me dit, là, quand tu te rebats, ta gueule, le plus gros premier spoiler de ma vie. Fait que le gars, il essaye avec son Chopper, il fail. Après ça, il essaie encore, il fail. T'as le combat avec Metal Gear, il fail. T'as le combat à main nue, il fail. Tu penses que tu l'as tué, il revient avec la poursuite de Sharp. T'es comme, quand est-ce que ça va finir, man? Tu vas me rappeler la première phrase que j'ai dit à la fin, vraiment à la fin. C'est comme, tabarnak, il va-tu crever, esti? C'est ce qu'on veut voir dans les films aussi. Dans le 1, comment il s'appelle, tu sais, le sorte de vampire, là? Vampire. Vamp. Juste Vamp. Ouais, Vamp. Dans le 2. Esti, tu penses à la fin, tu le tues? Ben non, il réapparaît dans le 4. Oui, mais l'effet de... Comment ça se fait? L'effet de novelty est plus là. On l'a jamais vu. Metal Gear regroupait plein d'affaires dans le premier Solid. Que t'as du jamais vu encore. Mm-hmm. Ben, il y a une différence entre Vamp, justement, pis Liquid. Tu sais, Liquid, oui, il est fort, ça. Il t'a. Vamp, c'est parce que c'était même plus. Ok, il revient. On sait que c'était par rapport à quoi. Il y avait une explication. Ouais. Liquid, t'as une petite affaire qui va t'expliquer. Ok, il est boosté, normalement, mais même là, il est pas supposé avoir résisté à tout ça. Pis t'as encore la question comme pourquoi vas-tu crever? Ouais. Là, tu sais, ok, c'est fait tirer. Il va revenir, on le sait qu'il revient. C'est Snake, mais en anti-héros. C'est Snake qui revient, puis que le gars, fuck, man, le gars, il est fort, pour à chaque fois, tu le pètes, puis il se relève. Comme justement, un anti-héros, Snake se fait bad, Batman se fait bad, puis à chaque fois, ils repackent leurs affaires, ils se relèvent, puis ils sont prêts. Puis Liquid, c'est ça qui est là, tu dis, ok, c'est genre Joker, puis Batman. Exactement. Ouais. Ben, moi, pour aller dans cette même optique-là, là, pour le personnage là, qui m'a le plus affecté, là, The Boss, pour le combat final, c'est pas tant le combat qui est intéressant que l'impact littéraire que ça a. Je veux dire, d'avoir... The Boss, la première. The Boss, là, le mentor de Big Boss. Là. Le build-up que tu as jusqu'au combat. Hein? C'est le build-up du combat, c'est ça. Ouais, c'est ça, l'histoire qui est en arrière. L'idée même du combat. C'est, man, sérieusement, ce combat-là, juste l'atmosphère que t'as à la fin quand tu finis par gagner, finalement, là, c'est tellement intense, puis la fin du jeu en tant que tel, quand t'apprends tout ce qui s'est passé, puis pourquoi elle a fait ça, c'est impossible de rester de marbre là-dessus, là. Je veux dire, moi, j'ai regardé le jeu pour la première fois, j'ai eu une larme qui a coulé carrément, là. Je fais, waouh, ça y est. Je vais faire un lien avec ce que Arkane nous a dit tantôt. La cinématographie du combat, c'est épique. Écoute, dans un champ de fleurs, t'affrontes les deux, les hosties de gros guns, pis t'as de la misère à abattre. Hey, tough, calice. La difficulté est là aussi. Faut que t'abattes à point nu. C'est la meilleure façon. Et savez-vous, c'est quoi d'ailleurs le meilleur costume pour la surprendre? Non. Le costume du scientifique. Non, ouais. C'est un bug? C'est pas un bug, c'est pour de vrai. Prenez le costume du scientifique qui est tout blanc dans un champ de fleurs blanc. Mm-hmm. Dans le fond, c'est logique, votre stealth est à 95%. Ah, ouais. Si vous crashez, elle vous trouve pas. Ben, wow. Oui. Pour répondre à ta question de cinéma, je répondrai ceci en français parce que je l'ai en anglais. J'utilise la caméra pour créer une architecture émotionnelle. Puis c'est exactement ça dans ce combat-là. Ouais. Ouais. Quelqu'un d'autre le jouerait, puis t'aurais la même drive, la même émotion, la même genre petit shake en dedans de toi de voir ton chum le faire, comme si c'était un film que toi d'y passer au travers. C'est la conclusion de ton aventure de tes 15-20 heures que t'as joué. Puis te rendre là, puis à la fin, c'est comme un release. C'est ça passe ou ça casse, puis là, quand c'est comme une explosion d'émotion après tout ce qui s'est passé dans le jeu. Tout à fait. Antithèse, tu l'as-tu dit, ton personnage? Oui, c'est le premier qui l'a dit, d'ailleurs. Ah, OK. Toi, c'était Vulcan Raven, c'est ça? Non, moi, c'était Rose Flower. Moi, je t'ai pas dit encore. Que j'adore appeler Grosse, des fois. Moi, le mien, je vous dirais... Moi, j'irais avec The Old. Ben, le vieux, le sniper, là. Ah, dans quand tu réussis à faire le combat avec lui, là, pis... Peut-être, je veux dire, tu fais pas le triche de la date. De garder ta game avant puis de le manquer. Tu te bats contre lui. C'est un combat qui est long, là. Oh, okay, oui. C'est un combat snipe. Tu sais, puis t'es vraiment. T'avances doucement. T'essaies de voir où est-ce qu'il est son os, petit perroquet. Tu vois son perroquet une fois. T'espères qu'il bouge pas. As-tu déjà. J'ai jamais marqué le perroquet. C'est ça. As-tu déjà réussi à tirer le perroquet pour qu'il soit dans ton inventaire de bouffe? Non. Oh non. Oh oui. Longtemps, Marc Bain, mais je l'ai quand même fait, j'ai fait pareil, j'ai dit. Que j'ai pas fait pour la fille après. Oui, c'était terrible. T'as-tu appelé la fille après pour écouter ce qu'elle avait à dire sur le perroquet? Non. Non, j'ai pas fait ça! Parce que tous les animaux que tu captures, peu importe l'animal, peu importe le vegetable que tu vas capturer, ouais, la plante, whatever, la fille te parle, puis il y a beaucoup, beaucoup de insight puis de easter egg dans le jeu par rapport à ça. C'est comme oui, tu captures un canari, c'est comme, tu vas pas vraiment manger ça. Oh mon dieu, j'ai manqué ça, non! Le plus drôle, c'est quand que tu... perroquet de The End, c'est difficile. Ouais, mais je me rappelle, le plus drôle, c'est quand que tu appelais après avoir pogné des champignons qui flash. C'est comme, OK, fait que si je mange les champignons-là, je recharge mes batteries, c'est ça? Non, c'est pas mal, ça marche. Là, tu te rappelles une deuxième fois, c'est comme, hey, j'ai mangé les champignons, mes batteries sont chargées. Attends un peu, je comprends pas. Puis tes enfants, me background en arrière, chialer, c'est comme, ben voyons, ça se peut pas, c'est impossible, ça marche pas de même. Oui, Snake, si tu manges les champignons, tes batteries vont charger. Ça finit là. C'est plein d'inside demain, c'est cœur, hein. Va sur YouTube, ils sont tous là. Tu peux tous les écouter back à back. Et, excusez-moi, j'ai entendu un drôle de bruit. Ça venait d'en haut de chez nous. Je me demandais... Non. Ah oui, la Metal Gear. Ah oui, j'aime ça. Bass Snake. Ce moment d'inconfort représenté par Jeu Rétro Réfo. C'est ça. On te salue à Vintendo en passant. Alors, Vintendo qui dit que lui a juste connu la série sur NES et PlayStation 1. Pauvre toi, faut vraiment que tu connaisses ça du PlayStation 2. Si t'es un gros tripeux de jeux vidéo, là, pour le côté cinématographique, là, ça, c'est vraiment les musts. Faut quand même pas oublier le 4 qui est une grosse révélation sur toute l'histoire aussi. Le 4! Le 4, man. Faudrait que je joue. Le 4, c'est une moquerie, en tout cas. Je l'ai pas fait parce que j'ai jamais eu de PS3. Moi, j'ai des amis qui l'avaient. Ça l'a permis. Il y a des grosses révélations qui partent quasiment du. On parle du solide, du Metal Gear. Juste que ça explique bien des affaires, surtout sur le 3. Beaucoup ouais, sur le 3. Tu trouves pas quelque part, Metal Gear Solid 4, c'est genre, il dit ce que vous savez sur les trois autres jeux précédents, ben fuck you! C'était des mensonges! Ah ah! Mais faut pas en dire trop, parce qu'on a deux mondes des accros qui nous ont donné 3 avec Jug, qui Jug, il adore sa 3DS en ce moment. Jug, c'est un cavalier. Non, c'est ça. Il se prend pour Dr. Willy avec ses sourcils. Ça peut être le pledge, hein? Non, je me prends pour Professor Oak. Vous donnez une copie de Metal Gear 4 à Joe, puis Joe va faire un review vidéo. Ben, j'ai pas de PS3 pour jouer. Ben, quelqu'un va faire un pledge de PlayStation 3 aussi. Attention, Arcade, il y a la tradition chez les accros qui s'appelle l'échange de cadeaux. Tu donnes des consoles? Noël, c'est un petit peu loin, hein? Juste que vous vous rappelez que j'ai donné une copie du jeu du cassier que j'ai donné à Alpha cette année. Ah, le petit jeu pourri, là. Comment que ça s'appelle? Pas une affaire de dragon, mais. Dragon Slayer. Dragon Slayer, ouais. Juste vous le rappeler. Ah, mais là, c'est quoi? On se donne tous des cadeaux pourris? Non, pas nécessairement. On a donné des bons cadeaux aussi. Jug a donné Skylanders à Mary. Ok, il fallait faire une capsule sur le cadeau. Hein. C'est ça. Fait qu'il faut que ça soit quand même de bon goût, c'est ça? Pas nécessairement. Ça dépend comment t'aimes la personne à qui tu envoies le cadeau. Ouais, ok, c'est bon. J'ai l'air à connaître ça, Jug, un peu. Fallout 3, Fallout 3 Game of the Year Edition, il n'a pas aimé. Alors? Que je ne vous pige pas. Non, c'est la pige, c'est ça le pays. Je vais vous trouver de la scrap, mon gars, man. C'est bon, fait que si jamais je te pige, j'y pige, je vais m'arranger pour donner quelque chose, tu vas voir, là, tu vas aider. De la scrap. S'il te plaît, donne-moi une genre de scrap que je peux faire un review, là. Non, donne-moi pas une rush, tu sais. Joe, tu viendras me voir, j'ai des bonnes idées. Puis encore là, je pourrais te faire une capsule de 10 minutes sur une rush, man. Chaque foudre! Une belle petite rush. Il va l'avoir! Moi, je vais faire ça. Si je pogne Arcade Rétro, j'y pogne Plumbers Don't Wear Ties. Oh non! De toute façon, j'ai même pas la console qui va jouer avec, hein? Ça se fait sur PC, je pense. Ah, j'ai pas de PC, j'ai un Mac. Hein? Fais quoi, ça, là? C'est un émulateur! Non. Tu veux que je réponde à quoi à ça, t'as un Mac? Je ne jouerai jamais à Plumbers Don't Wear Ties, man. Il y a plein de jeux qui existent sur la... Sur les PC, sur le Mac. Bon, ben allez-y, hein. Donnez-moi quelque chose de pourri, ça serait bien le fun. Ok. C'est bon, j'ai des idées en tête. On note. J'ai des idées, j'avais pas fait votre pigerie, ça. On fait une change de votre jeu, c'est ça? Yeah, Mary. Ah, ok. On fait Noël des campagnards en juin? Ouais, en juillet. Marie-Lou, on veut faire une note en passant. Vas-y. J'ai une note. Voilà. On va voir ce que tu vas envoyer, puis on va voir, hein? On va voir ce que moi je vais vous envoyer. Si on revient à Metal Gear, le moment le plus captivant pour vous? Le premier frame. Le premier frame, c'est le premier jeu d'espionnage que t'as. Le personnage, t'es pas accès à te promener et à tirer partout. Je sais que ça a l'air niaiseux, ce que je vais peut-être dire, mais Metal Gear, quand tu commences, ça se passe dans la neige. Puis, je sais pas, j'avais comme une habitude d'acheter des jeux qui tombaient dans le temps des fêtes ou ce que j'avais des congés. Puis, Metal Gear, il y a Batman Returns, tous des jeux qu'on dirait m'ont marqué parce que c'était la neige d'or. Puis, Metal Gear commence avec ça. Puis, tout de suite, on te présente aux aspects... d'infiltration, puis caché, puis l'affaire des caméras, puis de knocker sur les crates pour attirer les gardes. Fait que... pas mal ces éléments-là, man. Je suis d'accord avec Arcade là-dessus, parce que c'est... Le premier frame, comme Arcade dit, résume très bien ce qui t'attend pour tout le long du jeu. Alors, c'est comme dire que la seconde que tu commences à jouer le jeu, ben t'es déjà dedans. C'est déjà à quoi t'attendre. Fait que t'es comme... T'as pas grand-chose, t'es en train de s'expliquer, mais t'es déjà prêt. Moi, je dirais... Un moment le plus marquant, je dirais, ça serait vraiment la bataille sur le Metal Gear avec Solid et Liquid. Je trouve que ce moment-là, il est comme épique dans un sens. Ouais. C'est comme... Pas de robot, pas de gun, main à main, nieta. Mano à mano. Qui est un classique des Metal Gear, ceci dit. Mm-hmm. C'est fou, je rejoue. Mais... je sais que dans le 4, ils l'avaient refait à leur style aussi un peu, là. Ouais. Mais c'est du refait. C'est jamais... L'impact n'est jamais aussi gros, mais en tout cas, je pense. Là, que t'es pas non, il n'est pas aussi gros, mais le principe que j'avais aimé, c'est de la façon qu'a été fait le combat. Avec, dans l'idée, avec... on passe du premier... Pour ceux Je sais pas si ça va être un gros spoiler là-dessus. Spoilers. Spoilers. Ok. C'est bon, j'en parlerai pas plus. On dit pas trop. Je vais te casser le cou! Oui, je dégage 10 pièces sur Joe. Qui se déplace en premier? J'ai habité à Joliette, je sais où est-ce que tu peux habiter. Oh, c'est quand même plus gros pareil, Joliette. Hein? C'est quand même assez gros. Mais oui, c'est vrai, un autre élément de Metal Gear, la bande-annonce, la méga bande-annonce qu'ils avaient faite, je pense, pour Metal Gear 3, qui était avec la chanson de... Le gars qui a fait son nom d'échappe, qui a composé la trame sonore d'un paquet de films, puis du film de rock, justement. Ouais. Ça va être George Zimmerman, quelque chose. Puis la bande-annonce, il y avait une bande-annonce de genre 8 minutes ou quelque chose comme ça, qui expliquait beaucoup d'histoires. Puis je me souviens que la bande-annonce, c'est un roller coaster, c'est un court-métrage en tant que tel. Et à un moment donné, la chanson tourne dans un bref moment comme de chanson triste, on dirait une musique commémorative, c'est à des funérailles militaires, puis tu vois juste Snake, vieux, avec son béret, puis il y a une larme qui coule, puis il fait son salut de général. Puis juste à ce moment-là, chaque fois que j'écoutais la bande-annonce, c'était pour moi le pic, puis je regardais, puis je faisais « Oh shit, c'est quoi qui va se passer dans ce jeu-là? » Et y a-tu le moins bon des Metal Gear, selon vous, c'est lequel? Moi, ça va dire pas plus le 4 parce que c'est comme s'il disait, ben, c'est quoi les trois derniers épisodes, là, ben, finalement, on a ri de ta face. J'en dis pas plus pour rejoindre les spoilers. Ok. Ça peut dépendre du point de vue. Oui, je suis d'accord aussi avec toi qu'on va dire, ah, bon, on a fait ça, bon, on décide de changer ça aussi. Mais ça fait aussi changer de mentalité, mais qui te change pas au complet non plus, tu sais, ça... Faut que le monde y joue, c'est d'opinion à la personne, je pense. Moi, je vais bâcher ce jeu que j'ai jamais joué, enfin, je vais dire celui, c'est la NES. J'avoue que... Je m'en lave les mains, je suis parti. Mais dans qu'on appelle sens... Metal Gear, que pas de Metal Gear tout court dans le jeu, on n'en voit pas jamais une fois. Le 2, c'est le Snake, Snake Revenge. Je sais pas pour le deuxième, mais pour le premier, tu l'as, je vais t'en rappeler, tu l'as sur la pochette, tu vois Metal Gear en arrière. Le nom s'appelle Metal Gear. Tu n'entends parler dans le jeu, jamais t'en vois un. Mais ça, c'est sur la NES. La version MSK, la version officielle, là, le jeu, parce que c'est un port. Ceux qui sont sur la NES, c'est un port bâclé un peu, là. Puis dans la version MSK, il y a le jeu original, puis t'as un Metal Gear à la fin qu'il faut que tu combattes. Ça a été un rajout. C'est ça. Puis si vous achetez la version définitive de Metal Gear Solid 3 sur PlayStation 2, t'as les deux jeux. Ouais. T'as les deux Metal Gear qui sont dessus. Et la original. Oui, original, c'est les versions MSX. Et la possibilité de jouer en ligne. C'est vrai, hein? Ça veut dire online. Les serveurs au bout de 3 ou 6 mois, je pense, parce qu'il y avait trop de hacking, puis la popularité a comme drastiquement baissé du jour au lendemain. Fait que... La 3, on pouvait jouer en ligne, je savais pas ça. Tu pouvais jouer online, mais comme j'ai dit, c'est pas gros fort, mettons. Je sais que dans le 4, on pouvait, j'avais même joué, j'avais même trouvé ça quand même assez amusant. Ah, oh, le 3, moi j'ai joué très souvent au 3 avec mes amis, puis effectivement, c'était assez bien. C'était intéressant, c'était cool. Vous autres, est-ce que vous avez. Est-ce que vous aviez deviné que Phantom Pain c'était le Metal Gear? Quand ils avaient sorti justement un faux site pour Phantom Pain, puis ils annonçaient que c'était un jeu, puis tu voyais dans un genre d'asile médical, puis le personnage ressemblait à Snake. C'était super louche tout ce qui a entouré. C'est un gros coup de marketing là, de la part de Konami. Je ne sais même pas de quoi tu parles. Je n'ai jamais entendu ça. Mais Phantom Pain, c'est le nouveau jeu de Metal Gear qui va sortir prochainement sur les consoles. Mais c'est quoi le jeu de bord qui était sorti avant ce Metal Gear-là, avant qu'il ait été annoncé, qui était un autre jeu tout à fait séparé, puis les gens pensaient que c'était un autre jeu. C'était vendu comme un autre jeu. Le personnage ressemblait à Snake. Il manquait un bras, il y avait comme un moignon avec un crochet. Le gars était sur l'œil. Fait qu'il présentait... Ah, c'est Metal Gear Solid 5, ça. C'est le 5, mais au début, c'était pas ça le nom. Avant, c'était un autre jeu. Ils avaient nommé un autre jeu. C'était un faux jeu qui n'existait pas. Je sais. Non, mais c'était supposé, de la façon qu'elle s'était parlé, c'était supposé être Metal Gear Solid 5 Phantom Pain. Ouais, mais au début, c'était pas Snake. Au début, c'était juste Phantom Pain. Fait que là, il y avait des entrevues avec un faux gars qui était genre comme un nom de quelqu'un de, qui travaillait sur Metal Gear, mais à l'envers, qui était un gars qui était le relationniste, admettons, de presse pour la compagnie. Puis le site web, il y avait le trailer, puis du monde a commencé à analyser la bande-annonce du jeu. Puis tu vois plein d'affaires de Metal Gear, tu sais, les Blossoms là, qui tombent du ciel, ou ce que tu vois, boss. C'est le style de dire que j'ai moi de faire des dits comme ça, juste pour, quand je pourrais te dire ça, c'est faire un peu guesser le monde, slash les diriger vers, tu sais, dans le fond, les mener off track. Oui, mais c'est un gros coup. Là-dessus, il est très bon là-dessus, cela dit. C'est un gros coup de marketing parce que tout le monde pensait que c'était un jeu, puis il se dit, c'est quoi ce jeu-là? Puis comme justement, le site, il n'y avait presque pas d'infos. La compagnie qui faisait le jeu, il n'y avait aucun jeu sous la ceinture. Fait que c'était comme, OK, c'est fucking awkward. Quelque chose de louche qui se passe. Le monde a commencé à analyser. Pourtant, c'était même, il le présentait comme un autre jeu. Parce que les premières bandes-annonces que j'ai vues, en Snake, on reconnaissait le personnage en tant que tel. On reconnaissait Master... je sais plus c'est quoi son nom, le master, genre... Non, il y avait un gars qui était le docteur qui dit « Tout est correct, tout va bien aller, une affaire de même dans mon annonce. » Puis tu vois le docteur, c'est un personnage, je pense, qui était dans une version Nintendo, quelque chose comme ça, qu'on n'a jamais vu en 3D. Puis le bonhomme, il est là, puis tu vois Snake, à un moment donné, il rentre dans l'hôpital en feu comme Snake. C'est plein de petits éléments qu'ils ont voulu nous montrer, mais voir quand est-ce que les gens vont deviner que c'est... Ben, si c'était ça le but, moi, ils se sont plantés complètement parce que je savais que c'était un Metal Gear Solid en partant. Mais c'était juste écrit Phantom Pain. Tu savais pas c'est quelle compagnie, là. Tu savais pas, c'est pas Konami, là. Oh, j'ai même pas vérifié ça. Moi, quand j'ai vu le jeu, j'ai reconnu la Master, j'ai reconnu Snake, c'était évident. C'était juste essayer de situer ça dans l'histoire, que c'était ça mon gros affaire, mais je savais même pas qu'ils avaient essayé de faire ça. Ils ont complètement failli avec ça. C'était même pas signé, c'était pas signé Konami, c'était juste Phantom Pain. Puis la manière que Phantom Pain était écrit, il manquait des lignes dans le mot Phantom Pain. Puis tu pouvais, avec un genre de négatif, aller retrouver. Puis c'était écrit Metal Gear, genre en haut. Mais en tout cas, c'était un coup de marketing. C'était un genre de faux jeu qui allait sortir. Il faudrait que je check officiel parce qu'ils ont montré plein de versions aussi. Ben, c'est peut-être justement dans ton optique que tu parlais. Tout un coup de l'œil, Phantom Pain. Je pense que c'est Phantom Pain trailer. Puis tu vas voir, encore là, oublie l'optique que c'était Metal Gear. C'est une compagnie sur les sites de jeux vidéo. Pitch the trailer là, new game coming out, Phantom Pain, voici le trailer. Parce que j'ai shooté ça, donc là, j'ai hâte de voir ce que ça va donner par rapport à ça, justement. Et Phantom Pain, justement, je pense que c'est le terme qui dit la douleur que t'as d'un membre que t'as perdu. Ouais, ouais, c'est ça, c'est pour ça qu'il parle. Parce que au début, c'était peut-être Snake, il ressemblait à Nasty à Snake. Moi aussi, je me dis. C'était Big Boss. Pour moi, c'était Big Boss avec Master tout de suite après le Peacekeeper. Ouais. Moi, c'était situé là. Oui, mais tu sais, c'était étrange. Je me disais, essaye-tu de copier, parce qu'il y a plein de jeux qui ressemblaient, mais bon. Et, mettons, pour finir, est-ce que vous allez, c'est une série que vous allez continuer ou vous allez apprendre à découvrir, mettons, pour Sylvain, est-ce que c'est une série que vous voulez peut-être découvrir prochainement ou bien c'est une série que vous avez décidé d'arrêter? Moi, je vais la continuer pour juste, par simple curiosité, même si j'avoue que le 5, de la façon qui a été... Moi, il m'est présenté sur toutes les bonnes annonces que j'ai vues, m'attire moyennement. Le gameplay a l'air là. Ça a l'air d'être un open world complètement, la façon que j'ai entendu dire. Oui. Complètement open world. Ça, j'avoue que le principe pourrait être popé. J'ai hâte de voir. Mais, je sais pas, moi, de la façon que le 4 a fini, il n'était pas supposé continuer. Ça finissait au 4 de la façon avec l'histoire. Pour ceux qui n'ont pas joué, j'en dirai pas plus, mais. Moi, il finissait là. Qui retourne avec... on sait que ça va être Big Boss qu'on va utiliser encore. J'ai hâte de voir ce qu'ils peuvent amener, mais moi, je trouvais qu'il avait fait le tour. Dans le fait que tu parles justement, Shadow, c'est que... Quand je prétends ça? C'est qu'il y a aussi une controverse récemment, peut-être avant d'en parler. Bon. Supposément qu'il y aurait eu... Il y aurait juste 2 heures uniquement de gameplay pour le nouveau Metal Gear. Il y aurait juste 2 heures de gameplay. Ok, on parlait tantôt que ça fun les cinématiques, mais là, il y a une limite, là. Ouais, Ground Zeroes... Ben, écoute, tu joues à Metal Gear Solid 2, tu joues à Metal Gear Solid 4, même si je dirais que même le 4 est pire, pas mal, t'as plus de cinématiques que de gameplay. Mm-hmm. Ouais, mais t'en as quand même pour un bon gameplay. La balance, ça, c'est génial pour ça. Mais Metal Gear Solid 4, c'est beaucoup plus un film qu'un jeu. Ouais, je dis pas, mais il y a quand même plus que 2 heures de gameplay déjà, puis il y avait beaucoup d'explications. Mais là, si on tombe avec Big Boss, que justement, toutes les explications ont déjà été données, j'avoue que là, ça s'y remet rien que 2 heures de gameplay, pourquoi les Metal Gear, ça a toujours été qu'un problème à jouer, non? Ils ont coupé Phantom Pain pour faire 2 jeux, puis donc, ils ont sorti... Phantom Pain va sortir plus tard, mais ils ont décidé de faire un Ground Zeroes qui serait comme un prequel à Phantom Pain. Fait que ça serait, par exemple, le 5 sera en 2 jeux. C'est ça. Ouais. Oh, là, je suis plus sûr qu'est-ce qu'ils veulent faire. Là. Ben, là, c'est ça. C'est Konami encore qui l'a, là. Oui. Officiellement, bon. Oui. Officieusement, ça veut dire que Konami va être le publicateur, mais c'est quand même Kojima Production qui s'occupe du développement. Avec Kojima. Même si Hideo Kojima dit beaucoup que après chaque Metal Gear, c'est mon dernier Metal Gear. Ben, la carte était supposée vraiment être le dernier vu comment ils ont fini l'histoire. Il aurait dû arrêter. J'avoue qu'il aurait dû arrêter. Il y a le jeu, on le voit, il a l'air le fun. Ça a l'air d'un bon gameplay, tout ça. Mais il aurait dû sortir ça sur un autre jeu. Surtout le principe espionnage est encore là, mais on tombe sur du véritable open world, qu'on tombe sur un autre style aussi, là. Donc, moi, rendu là, j'aurais peut-être fait justement. On met un autre perso, puis c'est pas compliqué. Là. Joe, est-ce que ça va être une série que tu vas suivre dès que tu en auras la chance? Si j'ai une PS4, peut-être je vais donner une chance au 5. Le 4 m'intéresse pas plus qu'il faut. Je sais pas, on va voir. Si j'ai une PS4, why not? Ok. Arcade? J'ai pas eu l'opportunité de jouer. Plus on récent, moins j'ai soit pas joué ou moins j'ai joué de temps. J'aimerais ça juste me donner un moment puis d'essayer de les revisiter. Mais on dirait que pour moi, l'impact qu'a eu le Metal Gear Solid, on dirait que j'ai toujours été déçu de ne pas retrouver un impact similaire ou du moins différent, mais même un impact. À chaque autre jeu que j'ai joué, je suis toujours un fan, justement, dans mon top 5 dans l'article que j'ai fait. Cette franchise-là est dedans, le personnage l'est. J'espère un jour rejouer à un puis retomber un peu en nostalgie, mais sous un autre Metal Gear que j'ai pas suivi pendant 1 ou 2 ans. T'sais, mettons retomber dans Metal Gear 4 que j'ai pas joué, puis de voir à quoi que ça ressemble 2, 3 ans, 5 ans plus tard, puis d'espérer peut-être avoir le même coup de cœur. Jug, après nous avoir entendu tout le long, ça t'intéresse-tu ou c'est une série que... Bah, éventuellement un jour, mais il y a tellement d'autres affaires à faire avant que... Je sais pas. Peut-être un jour. Pas de suite. C'est le sujet de notre prochain podcast, en soit. Non, semaine prochaine, on jase de quoi déjà? Console obscure. Console obscure. On va finalement parler de la MSX. On jasait plus tôt. Qu'est-ce que c'est ça? MSX, c'est une console japonaise, c'est un ordinateur finalement. C'est comme l'équivalent de la Commodore 64, je pense, dans faire demain, je suis pas sûr. Ah, un peu plus fort. Un peu plus fort que 65, ok. Oh oui. Puis, non, c'est ça, ça va être très très intéressant la semaine prochaine. Moi, dans mon cas, rapidement, est-ce que c'est une série que je vais suivre? J'ai peur d'arrêter là. Je sais, le 4 m'a tellement à la fin déçu que j'ai comme pas envie de continuer, mais je me dis peut-être que ça va être la fin véritable qu'on pourrait avoir finalement. Ça serait une bonne fin qu'on pourrait avoir pour cette fois-ci. J'ai espoir pour que le prochain Metal Gear soit beaucoup plus... qui me donne le goût de le finir, ce jeu-là, puis de faire comme... Finalement, c'est ça l'histoire de Metal Gear, c'est une bonne histoire, puis Hideo Kojima m'a pas scrappé 4 histoires avec seulement, mettons, 20 minutes d'histoire, tu sais, là. C'est ça que j'ai trouvé plate du 4. Et voilà. D'ici là, on va commencer avec Antithèse. Comment on peut te contacter sur les internets? On peut me contacter par courriel à antythese@yahoo.ca ou gmail.com. On peut aussi sur Twitter, surtout ces temps-ci, pour une raison que je n'ai pas besoin de mentionner. Ça va commencer très bientôt. On peut me suivre à antithèse16SAYS. On peut également m'envoyer des messages privés sur ma chaîne YouTube de antithèse-seg. Et la meilleure façon demeure, mesdames et messieurs, que vous vous inscrivez sur le forum des accros sur accrosdejeux.com et on va discuter de choses intéressantes de tout et de rien de la vie, de la joie et des jeux vidéo. Shadow, comment on peut te contacter sur Internet? On peut me rejoindre sur ma chaîne Shadowzone Game. On peut aussi me rejoindre sur la page Facebook. Je vais toujours à tous les jours du même nom, Shadowzone Game. Et on peut me rejoindre aussi sur le forum des accros des jeux. Je suis là quand même assez actif. Je regarde, j'y vais à peu près deux fois par jour. Joe, comment on peut te contacter sur Internet? On peut me contacter sur ma page Facebook, L'Entre du Geek. On peut aussi me contacter via ma page web, vers mon email au groupe entredugeek.com, @gmail.com, excusez-moi. Sinon, vous pouvez me contacter facilement sur le forum des accros. Je fais mon tour à tous les jours, au moins 3-4 fois facile, le matin et le soir. Donc, ne pas hésiter à m'envoyer un message. Arcade, de ton côté? On peut me rejoindre sur YouTube, Arcade Retro 83, vous allez reconnaître le logo. On peut me rejoindre également sur Facebook, Arcade Retro. Hein, je réponds à tous mes messages. Venez m'aider à atteindre mon 250 likes que je veux à la fin du mois. Et, alors, on like la page d'Arcade Retro, ça prend. Ouais. Puis, exactement, la meilleure manière de me rejoindre, c'est sur accrodesjeux.com via le forum où également mon profil est là avec tous les liens. Si vous ne réussissez pas à les trouver parce que c'est trop compliqué, ben sous mon profil, c'est tout là. Et j'aime parler de jeux, de rétro et de spaghettis. Jog, de ton côté? On peut toujours me parler à travers ma chaîne YouTube, Juste un Gamer, ou sur ma page Facebook. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à ma page Facebook, je vous suggère d'y aller dès maintenant. Puis, n'oubliez pas le podcast de Juste un Gamer et d'Arcade Retro, deuxième partie, ce vendredi. Ah oui, cette affaire-là. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me communiquer avec moi. Vous pouvez me contacter via le groupe Facebook des Accros des Jeux, facebook.com/accrosdesjeux. Vous avez également le Twitter des Accros des Jeux, @accrosdesjeux. Il y a également le site Accros des Jeux, accrosdesjeux.com, le forum, j'y passe tous les jours. Normalement, j'essaie de répondre le plus possible au monde qui m'écrit. Vous avez également la boîte postale des Accros des Jeux. Donc, si jamais vous voulez nous faire parvenir quelque chose, vous pouvez le faire à Accros des Jeux, casier postal 314, succursale Rosemont, Montréal, Québec, H1X3B8. Et nous avons également le courriel des accros des jeux. Et je lis d'habitude un courriel que je reçois à chaque semaine. Donc, j'aimerais remercier M. Ban Ki-moon qui m'envoie un message. Merci beaucoup. Ban Ki-moon, qui est le secrétaire général des Nations Unies, qui me dit que, selon la ABSA Bank International PLC, que je suis victime de fraudeurs et que pour recevoir la somme de 500 000 $ je dois remplir mon nom, mon adresse, mon numéro de téléphone, le montant que j'ai été fraudé, mon âge, mon occupation, mon pays, et j'envoie cette copie-là à M. Clément Sivasun de je sais pas trop où. Mais il y a un email qui s'appelle yeah.net. Oh. Alors, ça a l'air legit. Tu peux dire de plaidger, hein, sur nos pledges. Oui, oui, effectivement. Il pourrait plaidger pour nous aider rapidement. fait que vous pouvez m'envoyer un vrai courriel, par exemple, si vous désirez, à accrosdesjeux@commercial.gmail.com. Je sais qu'il y a beaucoup d'accros qui essaient de devenir amis avec moi sur ma page Facebook. Je suis désolé, je n'accepte seulement que les gens que j'ai rencontrés dans ma vie de face à face. Donc, normalement, je n'accepte pas les gens que je ne connais pas. Alors, venez quand même vous abonner au groupe Accros des Jeux et ça va me faire un plaisir de jaser avec vous autres anytime. Soyez avec nous la semaine prochaine. On va parler des consoles obscures de la partie des vieilles consoles jusqu'à récemment. Il y a encore des nouvelles consoles qui sortent. Donc, on va avoir beaucoup de plaisir à jaser de ça la semaine prochaine. Et également, n'oubliez pas de passer également sur la boutique des Accros des Jeux. Il y a également nos t-shirts. Si jamais vous voulez nous aider, il y a nos tout nouveaux t-shirts qui sont disponibles, donc vous pouvez faire l'achat et vous en procurer un. D'ici là, c'était le Big Ben. C'était Antithèse. Juste un Gamer. Arcade Rétro. Shadow QC. Joe. Pour le podcast des accros, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bonne soirée. Je le veux. Bye.